Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Ananas, c'est un ananas. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. 5 secondes. Oh. Ah. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro original. Je suis donc toujours en compagnie de Asto. Salut. De Tocheux. Adichat. De Gandalf. Ah bah non, pas de Gandalf. Eh ben non. On a répondu au précédent sondage où on a voté qu'est-ce que vous voulez modifier sur l'apéro original. Donc les gens ont répondu Gandalf. C'est ça. Donc il y avait plus de culture, moins d'invités, enfin moins de nombre d'invités en même temps, une autre connerie ou Gandalf. Bah, à 80%, c'était Gandalf. Donc, voilà. La communauté a tranché et leur verdict est irrévocable. Veuillez présenter votre torche. Non, parce que. Non, jamais. Oui, non, mais non. Par contre, on va les remercier. Hein, pas d'avoir voté, mais d'avoir voté pour Gandalf. Merci aux 10 personnes. Donc, vous avez entendu aussi Phil. Bonjour. Et à côté de lui, vous n'avez pas encore entendu Pof. Oui, c'est moi. Et vous avez été caché derrière ses cheveux bleus. Pardon. On est qui Vas-y, moi c'est moi qui fais toutes les émissions, c'est oui. Moi qui fais que nous présenter, donc vas-y présente. On est deux cons avec beaucoup de projets et pas beaucoup de talent. Et du coup on surcompense en faisant beaucoup de projets. C'est ça. Et du coup on se dit que si on fait plein de projets, il y en aura un qui finira par avoir du succès et ça marche pas très bien. Voilà. C'est déprimant en fait quand tu nous présentes. Mais ça on y reviendra. Mais on le vit bien. Pas forcément dans cette émission-là, mais dans une prochaine où il y aura, vous allez passer sur le grill. Ah oui, une lampe en pleine gueule. Ouais, du coup, sinon, on est podcasteur depuis des années. On a fait pod radio et pod cloud aussi. Et on est potes. Et on est potes aussi, nous, entre nous. Pas avec vous, mais. Pas encore, ou peut-être plus. Du coup, ça dépend. On verra à la fin. Pour l'instant, là, tout est sur le point de bascule, on ne sait pas. Hein. On va faire toutes les étapes. On ne se connaît pas, puis on va être potes, puis à la fin, en fait... Pour l'instant, vous nous avez offert des bières, donc ça va. Donc, c'est quand même programme de ce numéro, donc le 18.1, ouais, vous avez bien calculé, tout est normal au niveau de la numérotation. Pour ce mois de septembre, de temps en temps, ça nous pète les oreilles, mais ça, normalement, vous ne l'entendez pas. Donc au programme, donc présentation des participants, ça je pense que c'est fait. Et il y a moi-même Azertov, hein, mais ça, on s'en fout. On est diffusé sur Pod Radio, mais on ne sait pas parce que les grilles sont voilà. Mais il n'y a plus rien qui est diffusé sur Pod Radio. Il n'y a plus rien qui est diffusé. C'est diffusé quand cet épisode-là Le 20 septembre. En Pod Radio sera mort, je pense. C'est vrai ouais. Ah bon, on en parlera ça. C'est l'apocalypse. En octobre. En tout cas, nous, à la fin du mois, on aura de payer le serveur. Donc. Ah oui. Bon, allez donc. Et on déménage pas le service. Oui, il faudrait. Donc mais on était diffusé sur Pod Radio qui est en train de mourir parce que par manque de temps de trucs qui bug et du coup de manque de temps pour les réparer et du coup moi j'ai pas le temps de le réparer, du coup Damien pouvait pas faire les nouvelles grilles et comme de toute façon c'était pas non plus un service très utilisé, on a dit qu'il allait mourir avec le changement de serveur. Et on fera probablement un truc où le nom de domaine podradio.fr renverra sur un podcast au hasard sur Podcloud, histoire de faire un truc rigolo. Mais... Ou sur l'apéro original. Juste tu l'as. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors là, pour le coup, sur le coup rigolo, du coup, j'ai des doutes. Mais bon. Non, mais si, en boucle, tous les épisodes, les uns à la suite. Mais si, parce que du coup, comme ça, les gens vont se demander pourquoi. On va leur dire que vous nous avez payé très cher. Et eux nous paieront encore plus cher. Pour que ça soit eux. Vous avez payé zéro. Bah oui. Pour que ce soit eux. Et on fera des enchères comme ça. C'est ça. Sans dire combien de nous on a donné, comme ça, eux, ils mettent. Exactement. c'est ils n'ont pas donné ça. Ça non, les donnait ils n'ont pas donné ça. Voilà. Ils ont... donc Podrenne 2020. Donc c'est les 11 et 12 avril 2020. Bah, logique. Et c'est bien fait quand même. Et vivement. Ouais. Donc on prépare ça gentiment. Ouais, j'espère qu'on l'entend pas dans l'enregistrement, mais ça fait un petit bup. Et moi, ça me fait vraiment penser à ce genre de truc. Genre, limite, t'es conducteur de train, faut pas que tu t'endormes et tout, comme ça, on est obligé c'est de. Ça, c'est ça, ça se réveille régulièrement. Moi, je pense à un hockey pincé, tu fais bup. Alors, en tout cas, sur Audacity, j'ai pas de pic à ce moment-là. Donc, si vous entendez de temps en temps des petits blancs et nous qui secouons la tête, c'est qu'on vient de se prendre un bup. Du coup, ils vont pas voir le secouer la tête. Ils peuvent nous entendre faire. Ah oui, comme ça. Donc inscrivez-vous sur podren.fr, il y aura toutes les informations qui vont venir, le planning, le programme. Viendez. Pourquoi gens, faut venir bien, ouais, viendez. Parce que c'est bien, voilà. Il y a des belles parce que personnes. C'est une grande fête familiale. Oui, c'est plein de bienveillance. T'as vu, surtout, même moi je bafouille sur bienveillance à te c'est dire. Ce que j'allais dire. Moi j'allais dire, il y a même le mot en B, ouais, mais voilà, ouais, ouais. Il y a le B-word. non, c'est très bon. Il faut absolument faire ça au moins une fois dans sa vie. C'est ça. Hein, il y a un buffet incroyable. Oui, oui. Grâce à la team cuisine qu'on salue et qu'on remercie tout de suite. Gratuit, bien sûr. Tout est gratuit. Ouais. Même la bienveillance, c'est con. Donc, aucune attaque gratuite. Ah, au menu oui, de séance, bon, on va s'y faire. Je pense qu'après la session d'enregistrement, on va continuer de l'entendre sans avoir les casques sur les oreilles. Sur le chemin du retour pour Toulouse, à un moment, je vais faire un écart. J'ai entendu bloop. Donc au programme de ce numéro, donc on a un dossier / quiz de la part de Asto. Non, sur dossier. Ah, c'est un dossier. Bah, sur le conducteur, il y a encore pas, le... Donc un dossier / pas quiz. Déjà, c'est un conducteur, c'est bien. C'est ça. Mais bon, on veut prévenir que cette partie ne sera entièrement pas quizée. Alors si, celui d'après. Donc, tu veux dire que t'as squeezé le quiz ? Oui. Exactement. Ouais. Et ça parle de musique, le nom qui est mis sur son... J'étais pas très inspiré. Ouais. Ouais, ça parle de musique, toi, c'est marqué là. Sur le conducteur, qui fait dealing. Ensuite, nous avons la fameuse rubrique que Pépé nous envie, les questions aux invités. Ah. Donc, qu'on a bien enrichi quand même. Il y a 140 146, je 146 crois. Bon, ce matin, on est passé de 105 à 146. Ouais. On peut parler. Ou 150. En fait, c'est une rubrique où on pose des questions. Poser des questions, mais des questions à la con, pertinentes ou pas. Et du coup, il y a 105 questions ? Non, il y a 140. 140. Donc, on ne va pas toutes les faire. Ah, c'est rassurant. Parce que, mais si vous voulez, on peut. Mais on peut. On m'attend ce soir à un moment. Quoi. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait à une centaine de questions. Non, moins de. Il y a une durée dans votre émission ? Ouais. Bah non. Non, mais en vrai. Enfin, oui, il y a une durée. Elle est très longue. C'est ça, la durée de l'émission est déterminée par la durée de l'émission. Tu sais, ah oui, okay, je comprends ça. T'as jamais fait les grilles de programme de Pod Radio ? Tu sais que l'apéro original, c'est une des raisons pour lesquelles on a arrêté de faire Pod Radio. C'était l'apéro du Captain. Du c'est coup. Ingérable. C'est un autre apéro. Ouais, non, non mais parce qu'en fait, il y avait une émission qui s'appelait Les Projets du Web. Quand on est venu dedans, Phil et moi, elle est sortie en hors-série, il n'y avait que la partie avec nous et c'était déjà plus long que l'émission normale. Et en général, les émissions sont trois fois plus longues quand on est tous les deux en même temps dans une émission. Parce qu'en demande fait, à Kenton qui essaye de faire que 2h30 quand il nous invite. Voilà. En fait, on fait notre propre émission dans les émissions des gens. Mais là, c'est un petit peu le but. En fait. Ok, c'est très bien. On va faire les 146 questions et nous, on vous en posera 130 derrière. On a déjà fait des émissions de 3 heures. Ah oui. On a fait un midi minuit, je crois, une fois. Par contre, vous en poserez une, c'était pourquoi ? Pourquoi la réponse, déjà, c'est pourquoi pas. Voilà. Le tout premier épisode qu'on a enregistré, le pilote, le premier verre, il a duré 5 heures. Ah oui, quand même. Il y avait une émission dans l'émission. On a fait un quoi qui se passe en termes de rubrique de l'émission. Donc, du coup, ça durait 5 heures. Ensuite, donc, après les questions aux invités, nous avons le quiz de Tocheux. Yep. Donc, la bière en vrai ou faux ? Oui, pourquoi pas. Hein ? Ouais. C'est ton mot d'ordre, pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Ouais. Eh ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et on se terminera avec une petite musique sans Gandalf. Sans Gandalf. Pour une fois, sans Gandalf. Ouais. Et on va donc commencer, j'ai pas encore mis le jingle palette sous le coude, avec la dégustation de bière que je vais trouver ça tout de suite. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, vol ! Oh ! Ah, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif. Allez, venez, on va aux filles, les gars. Et donc, est-ce qu'on va... Eh ben, il n'y a pas de filles, si. Non, mais ça, c'était le running gag de la dernière fois. C'est quand on était les filles de la gare à Limoges. Ouais, c'était le running gag. Accessoirement, vous avez la fille de la gare de Revan. C'est déjà pas mal. Ouais. Je peux me permettre de dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre la blague si tu ne l'expliques pas. À Limoges, quand on a enregistré donc, la précédente session, il y a 3 mois maintenant. Il y a une gare à Limoges. Il y a une gare à Limoges. Et à la fin de ce jingle, on demandait donc, à Lemilou et à Nastiello si les filles de la gare étaient plutôt bien. D'accord. Mais ça, sur toutes les émissions. Et vu que le premier épisode, on a eu il y a eu un premier épisode qui était bien, bah, du coup, c'est devenu le running gag de la fille de la gare. Et pourquoi il y a des filles à la gare? Il y a une gare à Castres. Ouais. Oui. Il y a des filles à la gare de Castres. Je sais pas. Sûrement. Hein. Mais comme sûrement. À toutes les gares. Oui, comme à toutes les gares. Elles sont bien les filles de la gare de Castres. Bah, on ne sait pas. Elles sont dans un camion. Donc. Ah oui, c'est pas faux. Donc... Est-ce qu'elles sont belles comme un camion du coup? J'ai le décapsuleur de la destinée et on va tous se prendre un billet sur les oreilles. Donc apparemment. Donc on va ouvrir nos bières. Je propose que tu rajoutes les bips au montage. Ouais, non, mais ça va être chiant à faire. Et du coup, bah, je vais te donner à POF. Le je vais te donner à POF. Toi, tu cherches à passer je donne ma langue ou... C'est ça. Ouais, non, mais je suis déjà passé. J'ai dit du coup. Moi, je suis passé parce que j'étais sur Bordeaux. À Bordeaux. Donc, ça va. Tout va bien. On s'est tous fait sniper. Oui, je pense. Et donc, du coup, POF, tu peux ouvrir. Il est beau. Tu peux décrire ta bière et l'ouvrir. Alors, bah, je sais pas. C'est un truc en papier. Il y a marqué Blau. Ouais, c'est de l'allemand. On n'est pas là pour comprendre. Belge. Bling. Ça, c'est Bier. Ouais, ça doit être de l'allemand. Je crois qu'on m'entend pas bien quand je suis loin du micro. Hein. Ah, c'est possible. Alors, écoutez-moi. Oui. Je vais ouvrir cette bière. Oui. Et je vais pas du tout faire semblant de l'ouvrir parce que j'ai déjà ouverte avant. Ah, la bière. Bon, cela dit, tu l'as pas goûté avant. Je l'ai pas goûté, non. Non, je me suis fait engueuler. J'ai ouvert. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut goûter, donner son avis et passer le... Après quoi, en fait, là, tu peux te servir dans ton verre. Dans mon verre qui est là. Donc là, je me sers. Ah oui, c'est ça. Très près du micro. Ouais, tu peux. Je sais pas si on entend bien. Oh, ouais. On l'entend super bien. Et là, on va avoir c'est un bip. La bière. J'ai fait un peu de mousse. Je suis un peu déçu. Et donc, du coup, tu peux donner après le décapsuleur de la destinée. Je l'accepte. Avec... Et on dit bonjour à Revan sur le Discord. Bonjour à Revan sur le Discord. Oh putain, les mecs, comment ils sont raccord. 10 ans. Oh, putain. On peut aussi dire coucou à Revan sur le chat de Balado Direct. Coucou à Revan sur le chat de Balado Direct. Et on peut dire aussi coucou à Revan sur mon Tipeee. Coucou à Revan sur mon Tipeee. Voilà. Alors, je vais donc ouvrir ma bière très près du micro. Qu'est-ce que tu nous ouvres comme bière? Ah oui. Alors, j'ouvre une pêcheresse. De chez Lindemans. Voilà. On m'a dit que c'était une bière à la pêche. À partir de là, j'ai dit que j'étais d'accord. Ah. Je savais qu'ils faisaient framboise et cerise. Qu'ils font framboise et chevresse? En fait, ils font des tonnes de trucs. Parce que quand je suis allé acheter des trucs, ils font cassis, ils font pommes, ils font des tonnes de trucs que je connaissais pas. Et du coup, ils les appellent comment? Et la gueuse. Ils les appellent comment, c'est la framboise et tout? Parce que la pêche, cassis, ça s'appelle cassis. Elle s'appelle framboise, cassis, apple. Ouais. Et donc, la pêcheresse, qu'ils ont trouvé un jeu de mots. C'est ça. Ouais. Très bien. Donc, je vais rouvrir ma bière. Parle plus près du micro. Je ne peux pas parler à la fois près du micro. Fais parler la bière. Ouais, je fais parler, la bière. C'est elle l'invité. Il faut pencher plus. Hein. Ouais, mais je galère, moi. J'essaie déjà de ne pas en foutre partout. Chez Heineken, ils m'ont dit 45 degrés. Mais c'est ce que tu devrais chez boire en termes d'alcool. Heineken. Fermez ta gueule. C'est ça le truc. Voilà, donc je me suis servi. Elle a une jolie couleur. J'aime beaucoup. Elle a une couleur bière. Elle a une couleur bière, mais elle est jolie. Et donc, du coup, je passe le décapsuleur de la destinée à Tocheux. Qui n'en a pas besoin. Oui, parce qu'il est-ce que les gens sont au courant qu'il n'y a même pas marqué décapsuleur de la destinée dessus? Non, il ne dévoile pas les secrets comme ça. Non, il est marqué de notre fournisseur officieux qui est situé à Castres, dont ça commence par un V et ça finit par un B. Voilà, avec un E au milieu. Avec un E au milieu. Comment ça s'appelle? L'éperluette, c'est ça? Tout à fait. Donc, vous avez. Esperluette. Mm. Ouais, mais tu sais, les S à Bordeaux, ils ne commencent pas. Qu'est-ce qu'on va s'offrir? Moi, je vais ouvrir une Orfeo de la brasserie La Débauche, qui est située à Angoulême. Voilà, qui commence à être assez récurrent chez nous. Qu'est-ce que tu t'en sers pour nettoyer ta baignoire ou... Non, parce que c'est vraiment une vanne de merde. Hein. Oui, je sais, mais j'aime bien les vannes sur récurrent. Ouais. C'est récurrent, comme la brosse à chiottes, c'est ça? Exactement, voilà. C'est ça. Une petite pale ale DDH, donc c'est double dry hop, houblonnage à froid, je crois, c'est ça? À cru. Oui, voilà, ou à froid. Voilà. Il n'y a pas de sel. Elle fait 5,5 degrés et c'est pas pire, pantoute. Voilà, celle-là c'était pour David. Non, c'est plus pantoufle, on avait dit maintenant. Ouais, mais c'est trop private joke, le pantoufle. Il n'y a guère que Pépé et Loli qui peuvent comprendre, donc le spaupier pantoute, moi il me plaît bien. Il y a une guerre entre Pépé et Loli. Mais ouvre-la près du micro, enfin. Waouh. Eh ben, un micro voilà. De moi. Alors, en fait, à un moment, il a tapé la bière pendant qu'il a parlé sur le truc. Non. Et si, si, à un moment, merde, tu l'as manipulé et tu l'as posé de manière... Et j'ai pas tapé sur le dossier. Voilà. Et à ce moment-là, j'y ai pensé et j'ai oublié instantanément après. Je suis désolé parce que j'aurais pu t'éviter ça. Bon, par contre, on sent bien le houblon. On va avoir une bonne odeur de houblon tout le long de l'enregistrement, par contre. Ça va, on a limité les dégâts, quand même. On sera dans l'ambiance. Oui, il y a 3 gouttes sur le gin et 5 gouttes sur la table. Alors, le gin, depuis tout à l'heure, je suis un peu en PLS parce que j'ai 2 gouttes de sang aussi et je suis en train de chercher de où je me vide et je n'arrive pas à trouver. Donc si au bout d'un moment vous m'entendez plus, c'est que il y avait t'as plus des gouttes de sang aussi. Ouais, j'ai des gouttes de sang sur la cuisse droite et des gouttes de bière sur la cuisse gauche. C'est marrant ça. C'est l'autre jour aussi, je suis allé me coucher et j'ai vu un truc bizarre sur mon poignet et je renifle et je me dis c'est bizarre, c'est un peu métallique comme ça et du coup je goûte. Bon, ce qui est un peu bizarre. T'es chelou hein, quand même. Parce que j'avais fait les gâteaux au chocolat là, avant, je me suis dit ça doit être du chocolat. Après, je me suis dit si j'avais goûté, que c'était autre chose quand même. Et en fait, c'était du sang. Et pareil, j'ai saigné, je savais pas d'où. C'est fou. Hein. Alors, moi, je sais que pourquoi j'ai saigné, parce que je me suis mis des pets à l'atelier toute la semaine. Mais là, honnêtement, depuis ce matin, je sais pas pourquoi. Ces taches de sang n'étaient pas là hier soir. À moins que quelqu'un soit venu me siphonner. Ok, donc on te surveille attentivement. Voilà, non, exactement. Prenez l'attention, tout. Ça peut pas être possible, il n'y a pas Gandalf. Donc il a... Non. Ah, il a pas... Donc on continue. Ça devient dégueulasse déjà d'entrée. Je tiens à signaler quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un boop dans les oreilles. Oui, oui, c'est vrai. Je me suis dit aussi, c'est peut-être bien. Voilà. Et donc ça, c'est Asto qui vient de récupérer le décapsuleur. Yes, pour ouvrir une petite bière, la Inki We Trust. Inki We Trust. Oui. Inki We Trust. Oh, le jeu de mots de merde. Ah bah, c'est la brasserie de chez toi, mon pauvre. Ah, c'est l'effet papillon. Exactement. Mérignac. Ah, ils font des trucs sympas, non? Oui. Oui, j'ai déjà entendu enfin, un nom. Faut, oui, si ça te plaît, oui, c'est sympa. Donc c'est une Berliner Weiss, donc une bière blanche de type berlinoise au kiwi, citron et à la menthe. Ça a l'air sympa, mais ça a plus l'air d'un cocktail de fruits que d'une bière du coup. Un peu, ouais. C'est une bière sour, je crois, il nous a dit. Donc oui. Une bière un peu acidulée. Il semble, ouais. Étonnamment. Peut-être pas forcément très sucrée et un peu acidulée. Peut-être avec le citron du coup. Mais l'effet papillon est très fort. En ce moment, ils sortent des créations un petit peu de dingue. Là, tous les 15 jours, ils nous sortent des brassins. Si vous suivez leur story sur Instagram, vous pourrez vous tenir au courant. Et si vous passez sur Bordeaux, je pense que si vous y prenez bien, il y a peut-être moyen de visiter. Tant qu'être avec des gens qui boivent beaucoup de bière, est-ce que ça vous dit quelque chose, une bière avec une tête de loup un peu stylisée, genre à plat? Lupulus. C'est peut-être ça, parce qu'en fait... C'est pas la Fly Dog ou la, bah, ça dépend, c'est un marqué. C'est un loup violet. Ou sinon, ah ouais, c'est la pas c'est, la loup-garou, mais, pas la mais la... Parce qu'il y en a une qui s'appelle La Bête, qui a la un La Bête, loup, oui, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est vraiment un style de dessin très simpliste, quoi, en fait. Où c'est vraiment une tête, une forme de tête de loup. C'est pas genre les t-shirts des années 90, du coup. On est d'accord. C'est pas un loup qui hurle à la lune. Non, non, ouais. Comme c'est ça, d'un coup, là, ça me parle de... pas. Non. Je vous demande parce qu'en fait, j'avais eu un calendrier de l'Avent de bière et on en avait eu une comme ça et... Et Kish avait été fan de cette bière, on retrouve plus le nom. Je me suis dit, peut-être c'est là, je suis avec des gens qui connaissent toutes les bières du monde. C'est plutôt Fly Dog du coup, le loup plus à plat, ouais. Comme ça. Là comme ça, ouais, ça me. Ouais, je vais chercher sur Google Images. Ouais. Ouais. Donc moi, je suis sur une collapse, donc brasseur du Grand Paris et la brasserie Azimut. C'est à Bordeaux, ça aussi. Ouais. Je suis donc sur la table ronde Barrel Aid. Oui, plus près, effectivement. Elle est à 6,2 et les ingrédients, donc c'est toujours de l'eau, du malt d'orge, malt de blé, houblon, levure, etc., etc. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Par contre, moi, c'est marqué bière à base de lambic. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique de fermentation. Si d'accord, donc c'est pas, pas un, c'est pas une plante, quoi, le lambic. D'accord. Généralement, les lambics sont en fermentation spontanée. C'est-à-dire c'est que. Ça donne un côté très gazeux. Il y a 3 grands types de fermentation pour la bière. Fermentation sur des levures hautes, fermentation sur des levures basses. Donc les levures hautes vont t'amener sur des ales, ce qu'on appelle. Les levures basses vont t'amener sur des lagers. Et l'alambic, ben, c'est de la fermentation spontanée qu'on trouve un petit peu dans une région un peu spécifique de Belgique où ça fermente tout seul. D'accord. C'est des levures qui sont présentes naturellement dans l'air et qui se mettent sur le produit et qui font fermenter un petit peu comme ça. Bon, ça n'a rien à voir avec un alambic, du coup. Non, ce n'est pas du tout le même procédé. L'alambic, c'est vraiment pour tirer l'alcool. Oui, c'est pour du whisky, des trucs comme ça, quoi. Ah bah, tu prends du malt, tu fais du whisky. Oui, voilà. Ah bah oui, ok. La même base, pas la même boisson. Et donc, du coup, on va pouvoir trinquer. Chin. Donc là, c'est, ah, c'est là où j'ai plus le retour. Ouais, ça s'est coupé moi aussi de mon côté. Parce qu'on a touché les câbles. Mais bon, ouah, putain, croisez pas. Hop. Du coup, ça grésille plus. Hop, ça grésille plus. Ça grésille plus. Il y en a plus de son. Ouais, ça va être gênant pour. Bah, moi, j'entends, hein, les gars. Ah bon ? Ouh, c'est fait. Ah, mais le problème, c'est que là, on l'a entendu dans le. Dans l'enregistrement. Mais c'est de retour. Mais c'est de retour. Mais j'ai vu les. Ouais, mais du coup, il va pouvoir le sampler pour le mettre à chaque fois. Voilà. C'est bon, on a fait la capture, tout est ok. Bah, tu le vois sur Audacity, tu pourras le couper. C'est ça. Attends, je vérifie quand même. Mais normalement, oui, je devrais. Ah, bah attends, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Non, non, c'est bon. Là, il y a 20 minutes et là, il y a 20 minutes aussi. Bah, je sais pas, je vois pas de gros pic. Bon, bah, votre santé alors, du coup. Santé. Santé. À la vôtre. Ouais, c'est super. Ah, bah, moi, je me suis resservi, j'ai encore plein de mousse. Elle mousse beaucoup, la mienne. Ah, Blum & Beer, oui. Ça dépend. Ou alors c'est peut-être, je suis pas habitué à ce genre de verre. T'as servi un peu vite, c'est peut-être pour ça. La pêcheresse, oui. Normalement, elle est très marquée en fait. Elle est, ouais. J'ai l'impression de manger. En fait, je sens la pêche d'ici. Hein. Ouais, ouais, non mais c'est super. Ah, ils font la Faro aussi chez Lindemans. Oui. Qui est, alors là, par contre, c'est du sucre candy. Le truc, c'est si t'es diabétique, c'est à proscrire direct. Mais j'ai l'impression effectivement d'une bière avec un tiers de sirop de pêche en bas. Hmm c'est super. C'est un demi-pêche, mais avec beaucoup de sirop de pêche. Ouais, ouais. C'est deux tiers pêche, même. Ouais, là, on est vraiment sur. Bah, de toute façon, les Lindemans qui sont fruités sont à base de fruits. C'est le cassis qui est, mais d'une force. T'as l'impression vraiment d'avoir une poignée de baies dans la bouche et que t'as le jus qui te coule directement dans l'estomac. Quoi. C'est un régal. Eh bien, tant mieux. Bah, écoute, il y a marqué concentré de pêche minimum 20%. Hein. Ouais. Donc, c'est du concentré, il y en a 20%. Oui, bon, ok. Tout s'explique. Ouais, puis c'est assez, de mémoire, c'est assez épais en bouche, mine de rien, pour une bière. C'est. À la limite, t'es presque sur la texture de la pale ale avec la pêche à la place du houblon. Avec le sucre, ça accroche beaucoup. Donc ouais, ça... ouais. Monsieur ? Est-ce que vous avez fini de blablater sur la bière ? Mais si on t'emmerde, t'as qu'à le dire. Non, mais je passe de Gandalf. Je voulais justement parler avant de vous couper avec le jingle de monsieur Asto. Moi, je voulais dire que. Bonjour. Bonjour. Bonjour. J'essaie de récupérer mon conducteur personnel. Alors, j'en profite pour dire que Uber, si tu veux. Avant le jingle, moi je voulais dire que ma bière était bonne, mais qu'apparemment ici on n'a pas le droit de parler, donc on reviendra plus. Vas-y, explique-nous. C'est quoi qui te plaît dans la Blum & Beer ? Je sais pas, elle est bonne. Non, elle a effectivement un côté sucré, mais elle est pas comme toi tu décris la tienne, c'est-à-dire t'as c'est pas trop sirop, un côté sirop quoi. Ouais. Elle a un côté aussi rond un peu en bouche. Et... Oui, on peut s'échanger les bières. Oui, goûter la tienne. Donc là, il y a de la pale ale. Là, c'est plus de l'acidulé chez Asto avec la Inkiwi Trust. C'est vraiment du sirop, la tienne. Hein. Ouais. J'aime bien la Inkiwi. La kiwi, elle est là. Ça, c'est la pale ale, s'il y en a qui voient. Alors ça, c'est un peu plus particulier. C'est très floral, c'est très houblonné. Ah, est-ce que tu veux goûter Moi, je connais la Blum & Beer. Ça, c'est un vrai bonbon. On sent le citron quand on renifle la tienne. Ouais, enfin, moi c'est pas la première saveur, mais après c'est une question de. C'est peut-être une DDH Citra. Question... Hein, peut-être, j'ai pas regardé quel type de houblon il y avait dedans. C'est la kiwi celle-là ? Je reviens d'ici un quart d'heure. Elle est vraiment très acidulée, ouais. Je m'attendais pas forcément après, à ça avec le côté kiwi. Vas-y. Mais non, vas-y. Du coup, moi la mienne c'est plutôt la style classique et ça passe bien. C'est quoi déjà ta bière ? Pour moi, c'était même trop classique. J'attendais plus de surprises. C'est donc la table ronde Barrel Age. Collab. Okay. Ouais, la collab. J'attendais plus. Ouais, ça passe bien. Mais j'attendais plus de surprises de ce côté-là. Une collab entre Grand Paris et Azimut. Bon. Après, Azimut, c'est pas non plus ce que je préfère. Donc, On dirait de la bière avec du pulco, la tienne. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas comment décrire autrement. Ce qu'il y a déjà, c'est ce que tu peux dire, c'est que tu vois pas passer le jour à l'intérieur. Déjà, oui. C'est un peu le principe des. Des doubles IPA ou des bières de ce genre où t'as l'impression que c'est presque un jus d'ananas en fait quand tu regardes le truc. Oui, visuellement c'est ça, c'est trouble, tu ne vois rien passer à l'intérieur. Alors qu'à l'inverse, celle d'Azertov a un goût de bois. Ouais, c'est vraiment bizarre. Elle est boisée. Ah, le côté barrel. Ouais. Et donc ça, tu la considères comme classique ? Bah, moi, en tout cas, mon c'est palais, son daily driver. C'est du De toute façon, elle a une belle tranche de Lager déjà, elle est très claire. Elle est ultra filtrée. Ultra filtrée. Parce que moi, ce que j'appellerais une bière classique dans ma consommation, c'est les bières qui n'ont pas trop de goût et qui sont un peu le truc que tu as la blonde aux pressions au bar du coin. Oui. Bon, pas non plus la Heineken ou la Crow ou un truc comme ça, mais un truc vraiment léger qui a pas trop de goût particulier, quoi. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans la tienne. Je sais pas. La mienne bière. C'est un bonbon, tu disais. Nous, on appelle ça un bonbon. Entre nous, c'est le petit goût légèrement sucré avec la rondeur. J'ai l'impression qu'il y a de la pomme dedans. Il y en a. Je vais pas faire. J'allais dire pour pas partir sur les tontons flingueurs, sans déconner. J'ai vraiment l'impression que c'est de la bière avec un goût bonbon à la pomme. C'est vrai. C'est pas de la vraie pomme. Le goût bonbon, le goût de pomme que t'as dans les bonbecs, tu vois. C'est, ouais. Mais là, t'es typiquement dans le goût de la bière belge. Classique, c'est ce qu'ils savent faire de mieux et ils se trompent très rarement. Il y a un truc récurrent sur en ce moment entre péremptoire, moi et ceux qui tournent un peu sur le milieu de la bière quand on en parle entre nous. Si vous voulez une bière à peu près dans cette gamme là qui va être un tout petit peu moins sucrée mais qui va nous faire retomber dans les mêmes tons, dans les mêmes tonalités de goût et en bouche. Ah, pas le poisson. Oui, ouais, voilà. Vous pouvez trouver la Ciney très facilement, la blonde. Ciney, c'est Ciney. Rapport qualité-prix, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Ça doit être à 1,97 la pinte. Est-ce que c'est des cousins de Chimay ou... Non, ça pourrait, vu qu'ils sont belges aussi. Mais c'est une bière de tradition belge et on est à peu près dans cette tonalité et ça se trouve beaucoup plus facilement que la Blomenbier. Voilà, la Blomenbier, quand on en trouve, généralement, on en laisse une. Pour celui qui va passer derrière et le carton il disparaît dans la foulée. Je vais peut-être te dire une connerie, mais je sais pas s'il y a pas de l'abricot ou un truc dans ce style dedans. Je sais pas, moi tout ce qu'il y a marqué dessus c'est malt d'orge et édulcorant. Ah. Bon, ouais. Alors peut-être que je raconte. Mais faut pas oublier qu'avant j'ai bu du sirop à la pêche. Ouais, non. Donc du coup, je pense que ça influence non, un peu. Mais hein. je sens aussi comme tu dis une espèce de saveur pomme, mais c'est peut-être juste une vue de l'esprit. Je sais pas si ça veut dire. En tout cas, moi qui aime bien les alcools un peu doux, pour deux raisons. Un, parce que c'est hyper traître et du coup, ça fait des soirées marrantes. et deux, parce que très honnêtement, je crois que j'ai encore gardé mon palais d'enfant. Du coup, là, on est sur des bières sympas. Alors, attends, je ne dirai rien. Un palais d'enfant, ça doit être tout petit. Hein. Non, mais au niveau de ce que j'aime. Ah bah, après mais c'est les dommage, le spécialiste n'aime pas les enfants. Non, le spécialiste n'est pas là. Donc c'est dommage. Hein. Bon, coucou Jean-Jean. Mon Dieu. Oui. Je vais pas faire de blague. Non, mais moi j'en avais bien une, mais elle est pas terrible. Et puis bon, on n'a pas de prêtre à côté. Bah, le palais d'enfant, c'est bien quand il n'y a plus les dents devant. Quoi. Voilà. Du coup, Jean-Jean, c'est un ami pédophile à vous. Ouais. Tant qu'on y est à faire des blagues. Oui, ouais, une très grande crosse. Sinon, je connais un ami conducteur de bus, Marc. Donc, Asto. Ah non, mais allez-y. Ouais, parce que là, on était parti de la bière, donc. Non, mais justement, on n'avait pas fini sur la bière. Donc ouais. Ouais, mais bon. Tu me dis ça alors que je viens de prendre des pistaches, là, putain. Alors, le saucisson a vraiment un goût de saucisson. C'était pas un saucisson. C'était le chat de la voisine. Donc, ça parle de musique. Oh. Voilà. Étonnamment. Alors, j'ai essayé de faire un truc. Bon, j'ai pas réussi. Hein. Voilà. C'est bien de nous mettre à l'aise d'entrée. Non. En gros, j'ai essayé de faire un alphabet de groupes de musique en prenant un groupe par lettre. Bon, il y a des trous. Il y a des petits trous dans mon alphabet. Genre, il n'y a pas la lettre D, ni la E, ni la I. Ça commence quand ? Il n'y a pas le Q, le V, le W et le Z. Mais il y a une thématique particulière pour pas que tu te ça parle de musique. Ça, ou... Ouais, je me suis. Ah, bah ouais. Il y avait Dépêche Mode, Z, t'as ZZ Top. Je veux dire, dans l'absolu, t'as dû quand même faire un filtre en amont. Quoi, ah bah, que... voilà. J'ai gagné. Ah bah, oui, il y aurait pu avoir. Non, bah non. Ça sent le manga à plein nez. Pas du tout, mais le Japon. Le Japon. Ah, Morning Monsoon. Non, en M, j'ai pas pris ça, j'ai pris autre chose. Mais ça aurait pu. Donc on va commencer avec la lettre A. Et je commence avec l'extrait de Aimé. Jacquet. Ah, tiens. De Aimé, mais j'ai pas ça. Moi, j'ai le premier. Oui, c'est Aimé. C'est dans l'ordre alphabétique, non? C'est facile, c'est ce qu'il y a de plus beau, Hazardom. Oui, c'est celui-là. Donc c'est bon. Donc la musique s'appelle Daydream. Et donc c'est de l'artiste qui s'appelle Aimé, comme le verbe. A-I-M-E-R. Et du coup, c'est quoi comme le quiz, l'entraîneur de l'équipe de foot de France 98? Il y a un quiz ou il n'y a pas non, un quiz? Non, il n'y a pas ah, de non, quiz. Ah non, c'est pas un quiz. C'est pour ça que tu avais marqué quiz, mais en fait, c'est plus un quiz. Oui. Non, en fait, c'est deux c'est quiz et en fait, il n'y a pas à retirer le quiz. J'ai pas décroché, j'ai pas rayé la main sur inutile en fait. On vient de mourir au niveau des oreilles, c'était très violent. Donc, tu as l'interdiction d'aller toucher ce truc de saucisson, ça fait un court jus. Donc, Aimé, c'est une artiste japonaise, waouh! Vous l'avez pas dit encore. qui fait donc de la musique pop et également rock, mais pas que. Elle a une base de jazz. Une basse. Une basse de jazz et de hip-hop également. Ça va être très chiant, ce quasiment. Donc elle a commencé en 2011 et elle était connue de, ça fait quoi, les 3-4 ans qu'elle a vraiment explosé, on va dire, à l'international. Avec des, alors je sais plus quel était l'album, je crois que c'était celui-là, l'album qui s'appelle Daydream. Ouais. Où elle a vraiment explosé à l'international. C'est le temps que je retrouve mon conducteur. Ah, c'est joli, c'est bien fait. Alors on passe à la lettre B. Bukake. Allez. Non. Ça va être Band Maiko. C'est japonais. C'est japonais. Tu vas l'entendre. En même temps, suite. Le mec il décide. Moi de je connais que la bouffe en japonais. Pour des groupes japonais. Ouais. En fait, j'aurais pris le coup, j'aurais fait une chronique miroir avec toi où ça aurait été la bouffe la avec bouffe. Les. Avec les lettres. Une bouffe, un groupe. Ouais. Pour chaque lettre, ça aurait été drôle. Alors ça, déjà, ça fait un peu plus japonais. Il y a au moins un samisen. Un samisen. Sadamusen. Un Sadamusen. J'ai pas tout compris. Mais c'est turc, alors. Non, en fait, Band Maiko, c'est un faux groupe. Je vous ai un peu arnaqué là-dessus. Band Maiko, c'est le nom sous lequel Band Maid, un groupe de rock beaucoup plus connu au Japon et à l'international aussi, a sorti son album du 1er avril sous le nom de Band Maiko, où en fait ils ont fait des reprises de Band Maid, donc de leur propre groupe, mais avec une instrumentalisation traditionnelle japonaise par-dessus. Donc ils ont sorti un mini-album qui fait 5-6 morceaux où ils ont refait complètement l'instru avec des shamisen, des koto et des flutines, et ça donne très très bien. Ouais. Ça fait très manga. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Franchement, je m'attendais à voir un générique avec des trucs ultra épiques. Bah, comme un générique d'animé, quoi. Bah, vous allez me dire ça à tous les coups, je crois. Oui. C'est comme quoi les clichés racistes. Hein. Ouais. Quoi, ça y est, on arrive déjà au japonais, là. Vas-y, passe à la lettre C avec Kochunie. C'est un groupe japonais, ça. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment un ending d'animé japonais. Ah. Non, alors là, il y en a une pelletée aussi. C'est la même que tout à l'heure, on a changé de chanson. Non, on a changé. D'accord, parce que ça ressemble beaucoup. En fait, j'étais persuadé que genre, c'était genre. T'es en train de dire que toutes les chansons japonaises se ressemblent ? Alors là, je suis en train de dire que franchement, ça aurait pu être genre le pont de la chanson précédente. On est dans un style effectivement qui se ressemble. Ouais, bah j'ai pris un petit peu en fonction de ce que j'écoute moi, et j'écoute pas mal de rock ou de pop. Oui, du coup, forcément ça ressemble à du rock ou du pop. La playlist va être un peu orientée là-dessus. Puis blague à part, en fait, peu importe la langue, tu prends que des chansons de pop rock de la même période et tout, elles se ressemblent un peu toutes aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Kochunie, c'est un groupe de rock du coup de Osaka, ils sont originaires d'Osaka. Et c'est au Japon, c'est du côté de Kyoto, pas très loin de Kyoto. C'est au Japon ça, Kyoto. Oui. Oui. Sur pas loin d'Osaka, qui est aussi au Japon. Effectivement, c'est QFD. Et donc c'est un groupe qui est composé de... C'est à côté de la mer et de la montagne. C'est ça qui est bien. Pour ça il faut s'y connaître en géo et savoir que le Japon c'est un pays où il y a la mer et la montagne à peu près partout sur le pays. Et je suppose que c'est entre tradition et modernité. Exactement. Modernité, oui. Bah, surtout du côté de Kyoto et Osaka, parce que c'est beaucoup c'est plutôt tradi. Modernité. C'est plutôt tradi. C'est plutôt tradi. C'est pas plutôt modernité. Non, c'est plutôt Tokyo. Ah oui. Donc je disais Kochunie, qui est un groupe composé de trois filles. Donc Miku, qui est donc au chant, à la guitare, au keyboard et au manipulator, je sais pas trop ce que c'est. Chunsuke, qui est à la guitare basse. Donc non, c'est pas trois filles, j'ai dit n'importe quoi. Et Ryosuke qui est au drum. Et il n'y en a aucune qui a la vaisselle, quoi. Pardon, excusez-moi, j'ai dérapé. C'est bon, on a trouvé notre Gandalf de la session. Ah, c'est, ça, c'est fait. Allez. Tu sais que t'es pas encore marié avec quoi, qui sur la liste faire demi-tour à un moment. C'est les nains. T'as pas un groupe de nains japonais, là. J'ai un truc en D ou pas, du coup? Oui. Allez, vas-y, fais le D. Tu le connais, le D. Oui. Dépêche Mode. Non. Parce que c'est pas japonais. Non. Donc le D c'est Deconina. Là aussi je vous arnaque un petit peu puisque Deconina c'est même pas un groupe, c'est rien du tout. Vocaloid. Ah c'est une oui. C'est du Vocaloid. En fait Deconina c'est le compositeur parolier de cette musique et en fait c'est une chanteuse virtuelle donc il a utilisé le logiciel Vocaloid en fait qui permet de créer des morceaux plein de trucs avec des voix totalement artificielles. Alors, comme quand ils ont des fausses chanteuses qui sont juste Hatsune Miku, exactement. C'est le type Hatsune Miku. Exactement. Ouais, ouais. C'est pas Hatsune Miku, c'est Gumi, mais c'est la même chose. Oui, je veux dire, on parle de la même entité virtuelle. Ouais, du coup, ouais, ouais. Il a aussi composé des trucs pour Hatsune Miku. D'accord. Et donc, c'est un vieux de la vieille, il est depuis 2008, oui, à faire des trucs en Vocaloid. C'est ça. Et pour l'écriture du nom de l'artiste, c'est donc Deco. Deco. Et plus loin, 27. Petit astérisque, 27. Et en fait, ça se prononce Deconina, puisque 2, ça se prononce Ni, et 7, ça se prononce Nana. Donc ça fait Ni Nana, donc Nina. Ok, ça passe. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec Valérian Damido, du coup. Non. Non. Non. Ni Full Metal Alchemist. Il y a une Nina dedans ? Nina. Oui, Nina, oui. Épisode 4. Nina. Par rapport au petit chien. Ouais. Oui, par rapport à Alexander. Voilà, tu prends Nina, tu prends Alexander et tu fais Zion. Et là tu pleures. Voilà, numéro 4. Ah non, moi j'ai pas pleuré. Je me suis dit pourquoi. Moi j'étais très mal à l'aise quand même. Ah ouais, ouais. Pourtant il y avait pas de nazis. Ah bah les homonculés. Ah si, Mengele, oui, Mengele, oui. Tout est raccord. Tout. Elle passe au F puisque j'ai pas de E. Bon, eux aussi. Mais non, F. Bah non, t'as pas de E, c'est F. Ah, mais c'est connu ça. Ouais. Franchement. C'est une reprise. Ouais. C'est un animé. Hein. C'est une reprise d'un truc connu. Ouais. C'est une reprise. Et c'est pas Ken le survivant. Non. Non. Non, ok. Je connais rien. Hein. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Ouais. Ah, c'est T'Challa. C'est une reprise de T'Challa et T'Challa, le générique de Dragon Ball, par Flow. Un groupe de rock. Ah, Flo, c'est ceux qui font Kuroko's Basket, tout ça. Oh là, ils ont fait 8 millions des openings. Oui, je suis tombé l'autre jour sur leur sur une section YouTube où ils montraient tous les animés depuis 2005 qu'ils ont fait. C'était une vidéo de 12 heures. Non, mais non, bizarrement, ça faisait que 12 ou 18 minutes, je sais plus. Mais ça s'est accéléré à partir de 2009 chez eux. Ils font des très gros sons. Ça, j'aime bien. Eux, ils sont actifs depuis 1998. Hein. Ouais. Ah bah, la Coupe du Monde. Hein. Eh oui, allez, franchement. We are the champion. Ouais. Et bah ils ont fait du non-stop depuis 1998, donc ça fait 20 balais qu'ils font des openings et des albums. Ils aimeraient bien qu'on leur donne la clé pour sortir du studio. Exactement. Flo, c'est ceux qui ont fait Grand Rendez-vous ? Non, c'est ceux qui travaillent avec Oli. La bande annonce, enfin l'opening. Putain, j'ai zappé le truc, je vais m'en vouloir, mais ce sera la deuxième écoute. De deuxième écoute. Ouais. C'est ça. Mais Grand Rendez-vous. Non, mais celle-là vaut mieux pas que t'écoutes. C'est pas l'opening de Death Parade ? Mmh. Ah, faut que je me la retrouve. Vas-y, passe au G. C'est Animal Crossing. Presque. C'est Gabriella Robin. Mais là aussi, je vous arnaque parce qu'il faut bien. Voilà. Gabriella Robin qui chante. Mais en fait, c'est pas Gabriella Robin. Ah con. Elle s'appelle Yoko Kano, donc c'est pas du tout en G. Ah oui. Et oui, parce qu'en fait Yoko Kano c'est une compositrice japonaise ultra connue. Oh. Et en fait il y avait une chanteuse du nom de Gabriella Robin qui ne chantait que des morceaux de Yoko Kano. Et en fait il y a eu des rumeurs pendant très longtemps et il est quand même probable à 99,9% qu'en fait Gabriella Robin ce soit Yoko Kano elle-même. Elle l'a jamais avoué elle-même, mais lors d'un concert où Gabriella Robin devait chanter, un concert de Yoko Kano, où Gabriella Robin devait monter sur scène pour chanter, bah en fait c'est Yoko Kano qui s'est juste retourné et qui a chanté. Qui était déjà sur scène et qui s'est juste retourné pour chanter. Donc voilà, donc Yoko Kano. On les a jamais vus toutes les deux dans la même pièce. Exactement. C'est ça. Comme moi et Batman. Et quel est l'intérêt de faire ça en fait ? Je sais pas exactement. Vendre deux fois plus d'albums vu que t'es deux artistes. Non, c'est pas ça, c'est que je comprends pas. C'est que, à la limite, te faire une espèce d'identité secrète pour faire une deuxième carrière où tu fais d'autres chansons. Mais si tu fais des chansons de ta première carrière, je comprends pas l'intérêt. En fait, c'est une nouvelle personne qui a un nom différent, mais qui fait que des reprises de ma première. C'était même pas des reprises, elle était juste chanteuse sur des compositions de Yoko Kano. D'accord. C'était en même temps. Comment elle s'appelle? Gabriella Robin. Gabriella Robin. Est-ce que tu penses que c'est pas genre juste si jamais quelqu'un trouve que le chant est mauvais, elle fait non mais c'est Gabriella, c'est pas moi. Peut-être. Mais c'est de la chanson, c'est de la merde. Ouais, mais c'est mal composé. Ah bah non, mais c'est pas moi qui la compose. Ah c'est pas moi, c'est Yoko Kanno. Donc Yoko Kanno, méga connu pour Cowboy Bebop, notamment. Ah bah oui. H. Ah non, c'est le J ça. Ah bah moi je fais dans l'ordre. Bah j'ai pas le droit. Il arrive à reconnaître des lettres de l'alphabet aux deux premières mesures, c'est incroyable. On a un shoot un alphabétique. J'avais un H, tant pis, on va le taper, on va passer au J. Est-ce que vous avez vu One Punch Man? Non. Oui. Ouais. Vite fait, ouais, quelques épisodes. C'est l'opening de One Punch Man. Donc par Jam Project. Saison 1 ou saison 2? Saison 1. Saison 1. The Hero. Et donc Jam Project, c'est des vieux. Voilà. Alors attention, c'est quoi vieux? 50, 60. De 20 ans, ça va. 60. 60. C'est Bernard Minet. Ah oui, quand même. Voilà, il leur a tout piqué en fait. Oh. Oui. Bon, en même temps, Bernard Minet, à l'époque, il a pas piqué, lui. À l'époque où il était au top, Bernard Minet, tu vois, il y a longtemps, et en fait, il piquait les musiques des. Là, ça se voit pas trop. Hein. T'es en train de me dire que Bernard Minet a été au top? Dans quel univers? À l'époque où voilà. Dans quel monde? Dans l'époque où il était pas en bas, quoi. Oui, voilà. Où il était au top de ce qu'il pouvait. Parce que déjà, il est pas grand, alors en plus, si tu le mets au top. Et en fait, il piquait tout au. Il est encore vivant, ce coup. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah, il fait toutes les conventions. Non, mais je sais pas, parce qu'apparemment, ils ont l'air tous de claquer les uns derrière les autres en ce moment. Donc, Là, ça va être la période. Ouais. Bah, c'est le changement de saison. C'est ça. Ah bah, c'est ça, passe du chaud. Cherchez pas. C'est les années qui continuent. Moi, j'ai peur pour Chantal Goya. Hein. Elle est pas morte? Non. Ah, c'est non, pas elle qui est morte. Elle est exilée en URSS, elle, non? Non, bah ça se dit plus, l'URSS. Je suis con. C'est l'effet Gandalf. Oh, la vieillesse. Non, je crois qu'elle fait des concerts au Japon, justement. Ah, d'accord. Ah non, je confonds avec Mireille Mathieu. Elle est pas morte? Elle est morte? Mais non, mais elle est en URSS. Enfin, en Russie. Mireille Mathieu, il ressort juste pour. Quand ça présidentiel aux élections. Ah oui. Ah bah, elle est au placard, elle. Il faut espérer qu'elle revienne pas chanter. T'as quoi après? Flower. Hein? Flower Market. Ah oui. Ouais, vas-y. En fait, t'as pas les artistes, c'est pour ça. Les Sims. Sims. J'ai le titre et l'album. Mais j'avais mis l'artiste devant. Ah bah, pas dans le tag. Ah bah, du coup, ils sont tous AD si t'as mis l'artiste devant. J'avais pas fait de tag. Bon, c'est pas grave. On est quand même dans l'ordre pour l'instant, on a juste sauté le H de cela. Et je suis en train de regarder dans le dossier et j'ai pas de H. Hein. Ah bon, bah, j'ai peut-être oublié. Oui, c'est possible. C'est pas grave. J'ai pas osé la faire. Donc on est à la lettre K. K comme Kana Anazawa. C'est pas une chanteuse. Oh non, encore, mais. Vocaloid encore ? Non. À la base, c'est une seiyuu, donc c'est une doubleuse. Same. Et en fait, c'est comme ça que t'aurais dû l'appeler ton pas quiz. C'est pas une chanteuse. Mais c'est pas un quiz. Ah oui, c'est une chanteuse ni un quiz. Donc ça se tient. Mais du coup, elle a quand même fait 2-3 albums de musique. Elle a poussé la chansonnette de temps en temps. Et c'est, ma foi, fort agréable à écouter. Kana Anazawa, c'est une doubleuse ultra méga connue, ultra méga populaire. Si ça vous dit quelque chose de oui. Steins Gate. C'est le bruit là quand il y a des problèmes de casque. Ouais, c'est ça. Oui. Et ben c'est elle. Non, je croyais que c'était quand ouvre un coffre dans Zelda. Moi, c'est... Non, c'est pas exactement ça. C'est elle aussi. Elle est partout. Dans les campagnes. Alors ensuite, tu dois voir le L normalement. Ouais, c'est bon. Ah, bah, c'est le L5. Les L5, exactement. Toutes les femmes de ta vie. Bah, du coup, deux. Ta mère et ta future femme. Non, c'est Ling Toshite Shugure. À tes souhaits. Ouais, c'est compliqué à prononcer. Franchement, je respecte quand tu y arrivais sans bafouiller. Ling Toshite Shugure. Ce qu'il veut dire? J'en ai pas la moindre idée. C'est pas mal. En plus, il le parle couramment, merde. C'est fort. Par contre, j'ai l'impression que pour n'importe quelle phrase, c'est un petit peu j'en ai pas la moindre idée. C'est un peu répétitif à ce langage. Ils ont pas mal de façons de le dire. Ouais. Quel manque d'imagination. Avoir autant d'idéogrammes pour avoir si peu de nuances dans les paroles. Franchement. Donc, c'est un groupe de rock indépendant, mat rock, rock alternatif, actif depuis les débuts des années 2000. La voix du chanteur, si on vous dit quelque chose, c'est parce que c'est TK. Qui a également fait Unravel, l'opening de Tokyo Ghoul. C'est là que je me rends compte que j'ai un sacré retard sur toutes les séries. Il y a un mec, ouais, il y a un mec et une meuf en fait. Ah d'accord, ok. Parce que je me disais, putain, le mec est capable de monter haut, quoi. Ouais, en il monte très haut quand même. C'était la meuf qui chantait. Ah, c'était le mec qui chantait. C'était le mec qui chantait. C'est un vocaloïde de Farinelli, en fait. Là, il monte haut, quoi. Il doit avoir un jean en cuir très serré. C'est pas du cuir, c'est de l'asphalte. tu peux passer au... Chaude. C'est de l'asphalte chaude. Amélie Poulain. Ah, Yvette Horner. Non plus. C'est quelle lettre? M. Dirait Mathieu. Hey, y aurait presque les cœurs de l'armée rouge derrière. J'ai pris cette musique exprès. Je sais pas, mais j'aime bien. Ça ressemble un peu ça, à ce parce que t'es communiste. Ça ressemble un peu à ce qu'on entend dans le dans l'animé que m'avait conseillé Nemo. C'était une Girls on Panzer ou je sais pas quoi. Ah, avec les dragons là. Non, c'est pas celui-là. Avec les non, c'est les filles qui sont à l'école là, qui est dans une école militaire et qui s'amusent à se désinguer avec des panzers. En c'est... Russie, connaissant Nemo. Non, même pas, je crois pas. Tu as le titre de la musique? C'est très martial. Attends, le titre de la musique? J'ai Painful Death of For the Lactose Intolerant. Quoi? Ah ouais, d'accord. C'est de l'anglais. Ok, on sent la souffrance quand même. La musique s'appelle Painful Death for a Lactose Intolerant. Donc pour ceux qui ne parleraient pas la langue de Shakespeare, c'est en gros une mort douloureuse, Painful Death, ouais, ouais. C'est ça, pour ceux qui sont intolérants au lactose. Pourquoi? Moi je comprends. Alors certes, je sais, Tocheux va me dire pourquoi pas, bah, oui. Mais voilà. Quand même, pourquoi? Et l'artiste s'appelle Milly. Vanilly? Milly. Oui, Vanilly. M-I-L-I. Oui, simplement. V-A-N-I et 2-L-Y. Que j'ai découvert complètement par hasard sur mon site de téléchargement pirate de musique japonaise. Et j'ai ça existe. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Ils sont 4. Mais. Mais que. Parce qu'il y a des sites dédiés à ça. Ouais. Non, mais genre, il y a des sites pirates de musique japonaise spécifiquement. Bah, bien sûr. J'ai un site où il y a que de la musique japonaise dessus. D'accord. Où je télécharge illégalement toute ma musique. Oh, bah, pas bien. Du coup. Parce que moi, il y aurait un site de téléchargement illégal de musique qui serait potentiellement susceptible de passer sur Nostalgie. Là, effectivement, ce serait mon site là où j'irais, demande à Pof. Là. Ah merde. Ah oui, Nostalgie, non, on en est là. La musique était très courte, elle est déjà finie. Marc Nostalgie. Oui, mais ça évolue avec les générations. Mais non, justement. Ah bon? Mais ici, c'est je sais pas, j'écoute plus la radio. J'écoute déjà pas podcast. Moi non plus. Mais à chaque fois. Merde. Pardon, excusez-moi, le micro était ouvert. Ouvert ou bleu? Oui, ouvert ou bleu, oui. Donc c'est du nano-ripe. C'est-à-dire qu'il y a du ripe et ils ont fait une version plus petite. Voilà, c'est du nano-ripe. Alors beaucoup plus petite du coup. C'est ça. Ça peut rentrer dans ta poche à briquet. Et du ripe, c'est quoi? C'est du rap et du rail ou... Je sais pas du tout. J'en ai pas la moindre idée. Putain, du rap, du rail. C'est du rap. Par des japonais. C'est du rap. Je suis curieux. C'est du ripe. C'est du viol. C'est du viol, en règle. Si la musique vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'ending... 1, 2, 3, je sais plus, de la saison 1, je crois. 2, 3, je sais plus. De Food Wars. Ah, ça me dit rien. Par contre, la voix me dit quelque chose. Ça ressemble à la chanteuse de A Place Spice. Elle a une voix qui est sensiblement identique à Tio de The Musmus maintenant, donc ex-Uplift Spice. Et ça, et c'est chaud à dire. Tu connais également ce groupe pour l'opening de Citrus. Effectivement, maintenant que tu le dis. Ils sont habitués aux openings et aux endings. Ils sont actifs depuis 2005. Et donc, c'est un groupe de rock alternatif, J-rock, fusion rock, emo, screamo, post-hardcore, hardcore et power pop. Ne me demandez pas ce que c'est. J'en ai pas la moindre idée. Ah, ça me rassure en fait. Je vais être très honnête avec toi, ça me rassure que t'en aies pas la moindre idée. Ouais. Il y aurait eu Gandalf, il t'aurait détaillé tous les trucs. Hein. Oh merde. Ouais, mais on n'est pas dans Up to Eleven, donc ça va. Allez, suivant, encore un groupe habitué des openings, des endings et anisong en tout genre. Avec One Ok Rock. Qui font du coup du rock. Et de manière ok du coup. Ouais. Et une seule fois, puisque c'est One Ok Rock. C'est une très longue fois depuis des années. C'est ça. En fait, c'est le même morceau. Tous les jours. C'est pas le même morceau, en fait, c'est plein de morceaux différents, mais dans un seul long morceau qui coupe de temps en temps. Sous la forme d'album. Ouais, ah, c'est du Joe Satriani, mais japonais, quoi. et sans aucun lien avec les morceaux du morceau. Voilà. Mais c'est un seul morceau. Donc on Ok Rock là. Un groupe de J-Rock, enfin ouais, de hard rock actif depuis 2005. Ils sont japonais, non ? Est-ce qu'on dit du hard rock ? Japonais. Ils sont égales, ils sont effectivement japonais. De Kyoto ? Je sais pas exactement d'où ils sont. De Tokyo. Ou de Nagano. D'Osaka ? Osaka. Osaka. La Moussaka ? La Moussaka, ouais. D'accord. Ils sont grecs, du coup. Ah, bah, oui. Toi aussi, tu t'es arrêté à la Grèce ? Oui, oui. Non, non, moi, elle est tout autour de moi. J'ai un peu trop senti la Grèce toute cette semaine, si tu veux. Alors, ils ont eu plusieurs courants, en fait. Là, on est sur leur milieu de carrière, quand ils faisaient vraiment quelque chose de très rock. Au début de leur carrière, ils avaient des influences très... Enfin, de ce que je ressens de leurs premiers albums, des influences très punk rock californien. Et sur leur dernier album sorti cette année, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus pop. Là, tu mets ça dans du punk rock californien, là, ce qu'on entend ? Non, non, non. Ah, non, non, ça, il a dit au début, c'est juste au début. Ouais, là, ça, c'est au milieu quand ils faisaient ce que t'entends. Ouais, voilà. Et après, ils ont fait plus pop. Ils sont calmés, ils ont arrêté de crier. J'avais zappé l'explication sur la période qu'on entendait. Pardon. A priori, ils prévoient plutôt une période Henri Dess pour l'an prochain. Pour la fin, ouais. Henri Dess. En japonais, donc Henri Dess. Henri Dess. Tu peux passer à la lettre P ? Je vais pas me terminer sur la lettre P. Parce que c'est pourri ? Parce que je vous ai déjà fait un dossier sur Perfume. Ah oui, Perfume. Ah oui, avec leur chanson Chocolate Disco. Chocolate Disco, exactement. J'aime beaucoup cette chanson. C'est la seule que je connais. J'aime beaucoup ce groupe. Donc je vous ai choisi vraiment bien. La chanson qui s'appelle Né, qui est la musique qui m'a fait découvrir le groupe à l'époque de Feu No Life. Avec un clip qui était très esthétique. Comme tous leurs clips. Je vais pas vous refaire l'historique de Perfume, hein, je vous l'ai déjà fait. C'est la même qui chante. C'est dans quel micro ? Non, c'est pas la même parce qu'elles sont trois déjà. Ah d'accord. Oui. Alors déjà ça part mal. Donc c'est pas la même entre elles. Ok. Donc celle là qui avait été mise en avant par Antoine Daniel. Non, pom pom pom, ça a rien à voir. Qui arrive pas mieux, pas mieux. J'aurais pu la mettre dans mon dossier parce que j'ai quand même deux albums d'elle. Mais j'ai préféré autre chose. Parce que là on dirait qu'on est dans le même style. C'est de la pop des idoles japonaises. Spoiler, quoi. C'est le même producteur. Ah, bon. Vas-y, passe au suivant. C'est Daft Punk ? Putain, il me l'a enlevé de la bouche. Daft Punk. Ça démarre pareil. Hein. Enfin, ça démarre dans le même style, hein, c'est ça. Hein. C'est de l'électro, effectivement. C'est de la musique, c'est vrai, il y a des notes. Oui. Il y a des paroles. Ça ressemble à une chanson. Il y en a plus de une, du coup c'est pas David Guetta. Puis à l'accent, il a fait David plusieurs Guetta, musiques. Il y a plusieurs oui, notes. Il y a qu'un seul accord, mais il y a plusieurs notes. Non, la même touche du clavier. C'est ça. Il change d'une musique à l'autre, mais il n'en a qu'une par musique. Donc il s'agit de Réol. Bah, il a vu un piano et il s'est dit à un moment, faut que je fasse ma carrière avec tout ça. Donc on va faire doucement. Touche par touche. C'est ça. Réol, j'en avais déjà parlé dans un shooter, très rapidement. Ah, mais c'est la Réol ? Réol. Non, pas la ville. Non, pas la Réol. Dommage, ça partait bien. Réol, c'est une chanteuse qui s'était spécialisée à la base, une mutualité, donc en fait, elle s'était spécialisée dans la reprise. En fait, à l'époque, sur Nico Nico Doga, donc c'est le YouTube japonais, où elle faisait des reprises de Vocaloid, justement. Et... Tu veux dire que il y a des gars, ou des mecs, ou des meufs, enfin peu importe, il y a des personnes qui s'amusent à prendre un ordinateur pour faire des chansons avec des chanteurs qui n'existent pas. Ouais. Et après, il y a des chanteurs qui existent, ouais. Qui prennent ces musiques, ouais. Et qui les chantent. Oui. Ouais. D'accord, ok, non, c'est absurde, mais du coup j'ai compris. Voilà. Et donc en fait, elle travaillait avec un monsieur qui s'appelle Giga Pi. Pi comme P. C'est juste pi. D'accord, pi. J'ai entendu une deuxième syllabe fantôme. Autant pour moi. Non, vous réécouterez Giga Pi. Ah, les illusions auditives quand même. Qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, ce monsieur Giga Pi, il était compositeur pour Vocaloid. Ok. Et en fait, il composait pour Vocaloid et après, elle reprenait les chansons qu'il composait pour Vocaloid. Compliqué le délire. Et du coup, elle doit galérer à chanter comme le Vocaloid. Pas forcément. Ça dépend des musiques. Oui, parce qu'il y en a où je suppose qu'ils jouent avec le fait que ça puisse être fait que par un Vocaloid. Oui, quoi. Tout sinon, à fait. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Ah, exactement. Goût, allez, la tuante. Avec... chanter comme un instrument. C'est fort. Oh, je connais ça. Oui, je vous ai déjà emmerdé avec elle. Je n'ai jamais fait de dossier, mais je vous ai déjà passé deux fois de... du Sayuri. Putain, mais c'est quoi ça? Je connais ça. Oui. Il y a que moi qui commence à avoir une envie de bouffe à volonté ou... Mais tu... Enfin, nous, c'était hier soir. Fallait venir hier soir. Donc, C'est à volonté. Oui, oui, non. Oui, oui. Bah, c'est à volonté jusqu'à la fin du bol. Et là, on n'est pas loin. Hein. Et après, il y en a d'autres. Bah, dis-moi ce que c'est, j'en peux plus. Alors, c'est Sayuri. Oui. Donc, c'est une chanteuse indépendante qui a commencé sa carrière assez récemment. Et donc, ça, par exemple, c'est l'ending de Scum's Wish. Bah, non. Faut pas faire ça, monsieur. J'ai failli te dire ça, on dirait vraiment un ending de. Oui, mais moi j'étais persuadé d'avoir entendu. Mais non. Elle a fait un ou deux autres opening ou ending pour d'autres animés que j'ai pas forcément entendu. C'est parce que pour nous ça se ressent. Et donc oui, elle a une voix qui est, je trouve, fantastique. Écoutez, c'est très simple. Les endings c'est lent, les openings c'est rapide. C'est ça. Ah, pas ouais, forcément. Ça repart en opening, du coup. J'ai jamais fait attention à ça, tu vois. Et s'il y a des grosses guitares, c'est l'opening de Death Note. Oui. Moi, ah ouais, c'est tout ce que je connais. Non, je l'ai pas en tête, Death Maximum Note. Your Man, le Maximum deuxième. Maximum Your Man, c'est grosse guitare. Ah ouais. C'est What's Up People et je sais plus. Celui de Black Lagoon était pas mal aussi, je sais plus que c'est qu'il fait. C'est un opening aussi, hein. Ou un ending, je ne sais plus. D'un groupe qui s'appelle The Peggies. Et qui, pour le coup, là, elles sont que des filles. C'est chiant, ça. Ça, j'aime pas, par contre. Ouais, c'est un peu long. Ça fait un peu criard, gamine. Enfin, c'est comme ça que je sens. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Phil? Tu dis, est-ce que c'est des cochonnes? Allez. Parce que ça s'appelle Guise. Parce que Peggy la cochonne. Ah merde, j'avais mal compris. The Peggiesou. Tu le disais loin du micro pour qu'on n'entende pas. Exactement. The Peggiesou est dans le maïsou. Alors, du coup, il n'y en a toujours aucune qui fait la vaisselle. Quoi. Et ouais, non. Tant qu'à rester dans les blagues nulles. Allez. Non, parce qu'il y a Yuo qui est au chant et à la guitare, Makiko qui est à la basse et Miku qui est à la batterie. De cuisine. Non. Même pas. Même pas une batterie de cuisine, franchement. Marc, ils ont pas beaucoup de place pour couper le chou, quoi. Ouais, ils ont pas beaucoup de place là-bas, remarque. Hein, donc, je comprends aussi. Déjà, ils bouffent avec des baguettes, ça prend moins de place qu'une fourchette. Et parce qu'il y a que deux pics. Eh oui, mais. On me dit dans l'oreillette qu'on n'entend pas forcément les extraits de musique. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais pourtant, je suis le potard à fond et tous les potards sont à fond. Ok. C'est qui que t'as dans ton oreillette? Le téléphone. Ah, d'accord. Mais je crois que j'ai la même. Ah, c'est possible. T'as quoi, la même oreillette? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse? Ou alors vous avez des grandes oreilles? Et la suivante. Ouais, attends, ils sont aussi à moi des oreilles. En fait. Ouais, c'est ça. Ils ont une oreille en com. Ça fait moins cher en caisse. Jamiroquai. Ouais, mais grave. Le morceau s'appelle Alien Pop. Ouais, c'est ce qui est la version japonaise de Cosmic Girl. Voilà, c'est ça. C'est featuring Daft Punk. Featuring Daft Punk, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de l'électro. Hein. Et ben, c'est bien ça. Oui, mais je vous ai arnaqué. C'est du vocaloïde. Parce qu'en fait, c'est la lettre U. Mais en fait, l'artiste s'appelle Snails House. Ouais, mais si tu mets le S sur le côté, on dirait un U. C'est... Ouais, mais c'est qu'en fait, avant, il s'appelait Ujiko. Bien. Il a changé de nom en fait. Donc j'ai gardé son ancien nom pour pouvoir faire mon dossier. Et donc c'est un artiste électro de Tokyo, me semble. Qui fait vraiment, vraiment que de l'électro et que vous pouvez trouver très facilement sur Bandcamp. Que je vous recommande très chaudement. Et donc c'est japonais ça? Oui. Est-ce qu'il y a des chanteurs qui essaient de reproduire ce que fait cette voix là? Pas que je sache. Parce que honnêtement, là, je pense que faut se faire opérer des cordes vocales pour y arriver quoi. Pour le coup, pas que je sache. Je vous en laisse un petit peu plus parce que c'est quand même bien. Quoique c'est un cancer de la gorge. Ouais, absolument. Et que tu parles avec un modulateur. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Puis après, tu fais toucher des fils qui sont pas censés se toucher, tu peux y aller. Hein. Tu mets le micro un peu plus bas, ça passe. Et ensuite, on va passer à la lettre X, parce que j'ai pas de V ni de W. C'est Monsieur Connois. Bah oui. C'est Booba ? Je sais plus laquelle j'ai pris. C'est pas Booba, c'est 4. Yves. Yves Lecoq ? Ivy. Yves. C'est Ivy. Ivy. Ivy comme dans Black Lagoon ? Non, c'est Ivy comme dans. Poison Ivy ? Comme jeu. Comme dans des initiales. Ivy comme dans So. Comme le, c'est le dernier, donc c'est pas le 3D, c'est celui d'après. Ah. Saucette ? Saucette, hein ? Ouais. Ou le 9, du coup ? Je sais plus. Mais c'était X Japan. C'est X Japan, donc le nom du groupe. X Japan, qui donc a été cette musique qui a servi de générique à So, je sais plus lequel. Donc c'est un groupe de metal japonais très vieux. Déjà vieux, c'était 60 ans, c'est quoi très vieux ? En fait, ils ont. Médiéval. Ils sont des années 70, je crois. C'est ce que je dis, médiéval. Je sais pas s'ils ont pas commencé dans les années 70. Hein. Alors, je sais plus le style de musique. Enfin, 82, ils ont commencé en 1982. Ouais. Le style d'habillement, mais c'est eux qui ont lancé le genre justement. Le visual kei. Où t'en as, ils sont. Je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est. Pour voir, il faut que tu fasses une recherche visual kei parce qu'en fait c'est très c'est très visuel. C'est très visuel. Visual kei et heavy metal en fait. Et donc le style visual kei c'est très inspiré de Kiss. Ok, d'accord. Voilà. Ah, ben voilà, là du coup. Genre Alice Cooper, des trucs comme ça. Voilà. Et donc c'est des groupes en général qui font vraiment du heavy metal ou du hard quoi. C'est pas forcément quelque chose que j'ai dans ma playlist, mais je pense que c'est un groupe qui méritait qu'on le mentionne quand même avec les Japan, puisque c'est quand même des vieux de la vieille et qui sont extrêmement connus et reconnus dans le monde entier. La dernière lettre, puisque j'ai pas de Z, on va passer au Y et on arrêtera là. Yamiroquai. J'ai entendu ça. Pour info, je l'ai fait en meumeuf. Donc j'ai fait un blind test où j'ai repris cette musique là en meumeu, en faisant meumeu. T'as repris ça en meumeu? Ouais. En multipiste ou en mono? En mono. Donc c'est pas dans un dernier PP podcast? Non. Encore d'avant ou un ce que j'ai fait ici. Un Podrun? C'est en 84? Non. Après 84? Ouais. Alors pour info, on en a parlé plus ou moins vaguement en parlant de Nina. Cette musique est l'opening 1 de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ah mais c'est pour ça en fait que je connais, ouais. J'ai déjà entendu. D'accord. Et ben c'est Yugiri Nakamashu. Ça s'appelle le début. C'est Yui. Yui. Ça s'appelle Yui. De toute façon il y a Yu-Ya en japonais, Yo. Et en fait c'est elle tout. A pas cherché très loin puis c'est son prénom Yui. Donc une artiste J-pop, J-rock, qui est active depuis 2004 et qui en 2012, me semble-t-il, a mis sa carrière en pause. En fait, c'est parce qu'elle avait rejoint un groupe de musique qui s'appelait Flower Flower. Du coup, est-ce que sa carrière est vraiment en pause si elle rejoint... Sa carrière solo est en pause pour avoir rejoint le groupe Flower Flower. Un groupe de trash metal qui déteste la nature. Possible. J'ai pas de. Jette des canettes de 8-6 dans les prairies. J'ai pas du tout d'infos concernant Flower Flower et j'ai jamais entendu en fait. J'avais jamais entendu ce nom de groupe. Je vais faire un aparté qui a rien à voir, mais tu m'y fais penser. Vous avez déjà goûté la 8-6 ? Non, jamais. C'est dégueulasse. Hein. J'ai jamais osé. En fait, on en a acheté du coup il y a une semaine pour pas mourir idiot et c'est dégueulasse. Ah oui, enfin, en fait, ça se boit. Ça se boit tranquillement, c'est très alcoolisé, c'est-à-dire que tu sens vraiment qu'il y a de l'alcool, tu sens que c'est fort, mais ça se boit facilement, du coup je comprends que tu boives ça pour être sous rapidement et supporter les problèmes de la vie, mais c'est violent quoi, c'est pas bon, il n'y a pas de trop de... J'ai jamais bon. Vu. Et en plus j'ai vu qu'ils avaient sorti des... Ils ont sorti c'est Noé qui nous avait fait un petit papier sur la 8-6. Et j'ai appris qu'ils avaient à ce moment-là qu'ils avaient sorti des catégories premium où ils avaient refait le packaging de la 8-6, la Rolls de la 8-6 quoi. Mais c'est un truc, ça m'a jamais. Donc par voilà. Curiosité, un jour, je pense qu'il faudrait que j'essaye. On l'a goûté, c'est pas ouf. Par contre, effectivement, j'étais à moitié sous après une canette quoi. Donc Ah, parce que les canettes font 5 ans, c'est ça, c'est ouais, des pintes. Hein. Ouais, c'est des pintes oui, et elles font 8-6. C'est d'où le nom. Mais c'est, pas, c'est bizarre parce que 8-6, c'est pas violent non plus. Quoi. Ouais, mais là en fait, t'as l'impression en fait, que t'as mélangé de la vodka à ta bière au niveau du goût et de l'effet. Alors, le mélange vodka-bière me surprend pas trop. Moi, je connaissais un Écossais qui faisait un mélange cognac-bière. Ça doit être étrange. Donc, tu prends un shooter de cognac, tu le mets dans une pinte de bière, tu le laisses couler au fond, le cognac remonte petit à petit. Ah, ça dit quelque chose, tu bois tout. Entendre... C'est un Jagerbomb, mais pas avec expliqué, les mêmes donc, ingrédients. Mais bon, faut, pour ça, faut que t'écoutes l'apéro original. Donc. Mais j'ai peut-être entendu. C'est pas gagné. C'est un cognac-bombe. Hein ? C'est un cognac-bombe, du coup. Ouais, ouais peut-être. Ouais. Le Jagerbomb, c'est tu fais la même chose, mais avec un shooter de Jager. Que tu laisses tomber. Le Jager, c'est cet alcool vert, là ? Ouais. Que tu laisses tomber dans un verre de Red Bull. Oh. C'est franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ah ouais. Et les effets sur la santé, parce que le Red Bull déjà. C'est un peu plus mauvais. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour mon dossier. Eh bien, merci. Eh ben, c'est pas trop tôt. Pardon, excusez-moi. Bah ouais, écoute. Donc, du coup, en fait, tu le vrai thème, c'était Spotify, de la musique du Japon, qui que des fois, c'est pas les vraies chanteuses. Exactement. Est-ce que tu nous as préparé une playlist Spotify avec l'intégralité? Tu nous as préparé la liste au moins. Je pourrais. Mais comme on fait du podcast et qu'on n'est pas sérieux, non. Ouais, mais j'ai la flemme. Je pourrais le faire plus tard. Il pourra, mais seulement si tu donnes sur son Tipeee. Exactement. C'est la première contrepartie. Je ferai ça pour l'article. À 50 euros. À 50 euros. Il n'y en a qu'une de disponible. T'auras ta liste personnelle. Du coup, on va passer à la meilleure partie de cette émission, c'est-à-dire les questions aux invités. Oui. Moi, je me casse, je vais aller fumer une clope. Non, tu attends. T'as juste le temps du jingle que je retrouve qui est ici. Ne dites pas, je vais boire de l'eau. Il boit de l'eau, il boit de l'eau. Ah bah non, bah on l'entend pas. Ah yes. Il n'y a pas de jingle. Il est cassé le jingle. Il est parti le jingle, il en a eu marre. Non, le temps que tu règles tes problèmes de jingle, je vais fumer une clope. Vas-y, vas-y. Ça va pas être si long que ça. Bon. Trois quarts d'heure, oui. Oui, à peine. C'est... Franchement, hein. De toute façon, après, ça va être monté, les gens ne s'en rendront pas compte, c'est de l'instantané. Donc. Comme le café. Ah, mais je crois que j'ai muté le truc. Ah oui. Ah, bah, du coup, tu l'as muté où ? Dans le nord. Oh putain, là, j'ai arrêté avec le nord. C'est très bien le nord. Bon, faut être de là-haut. On sent un peu exclu, c'est une grande famille. Oui, c'est la même famille d'ailleurs. C'est très très bien. Allez, viens. Allez, viens. Ah, viens, on a entendu quelque chose. Viens, allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens. Viens. Ouais. Allez, viens. On va manger des chips. Ça ressemble à un jingle. Attends, des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis on va manger des chips. Ouais, y a de ça. Hein. Y en a. Y a de la pomme. Il y en a. Ah, j'avais sorti donc, le vitriol. On va vous poser une série de questions. Donc, on a 155 questions différentes. Ok. Vous allez donner donc à tour de rôle un numéro entre 1 et 55. 155. Et vous posez la question. Il y en a un numéro là. Ouais, tu me dis, il y a 155 questions. Oui. Ouais. Dis tous un chiffre entre 1 et 55. Non, et 155. Ah, non, mais t'as dit 55. Ah, bon, bah, on est bien d'accord, parce que sinon je me disais, bah, il y a 100 questions qui servent à rien. Oui, mais on se méfie avec tes allusions, tes illusions auditives là. Ouais, ouais. Non, c'est pour ça. Donc, gigapip là-bas. Donc, vu que t'as pris la parole, donne un chiffre entre 1 et 155, monsieur. 51. Ah oh non, il a piqué. Prendra 60. Est-ce qu'on peut pleurer sous l'eau? Alors oui. Évidemment qu'on peut pleurer sous l'eau. Par contre, ça se voit pas. Mais c'est plus dur. C'est comme pisser sous l'eau. Bah, disons que tu peux pas pleurer sous l'eau sur commande comme tu peux le faire avec des oignons là, parce que si tu pluches des oignons sous l'eau, tu pleures pas. T'as essayé de te frotter des oignons sous l'eau? Je sais pas. T'as essayé d'ouvrir les yeux dans la mer, ça pique. Hein. Oui, ça pique. Ouais. Ça se trouve, tu pleures et tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que la mer est salée, du coup. Parce que les gens, ils ouvrent les yeux dans la mer. Et ils pleurent et toutes les larmes de leur corps. Et parce qu'ils ont pleuré, voilà, tout simplement. À toi, je suis Pof. En train d'assister à un truc étrange. Ouais. Non, ça arrive c'est une émission pédagogique. Et 21. Là, voilà, nous sommes en train de regarder de la bière couler sur un pouce, puis dans un verre, avec une bouteille à moitié décapsulée. Ah, maintenant, ça part sur la table. Donc, nous sommes dans une situation d'urgence, mais tout va bien, tout est maîtrisé, enfin, plus ou moins. Alors, donc, la question 21, c'est... Peut-on garder les yeux ouverts quand on éternue? Elle jute un peu. Hein. Pardon. Ah, tu peux juter quand t'éternues aussi. Hein. Ça, c'est déjà plus peut-on probable. Garder les yeux ouverts, oui, si on n'a pas de paupières. C'est con comme question. C'est glauque. Ah oui, non, mais c'est surtout glauque comme réponse. Oui, mais ça, on s'y fait. Bah, allez, tiens, juste qu'on dort jamais ensemble parce que tu fais peur. Ouais, j'étais en train de me démener avec une bière. Je crois que j'ai perdu. Ouais. Donc Asto entre 1 et 155. Elle en met partout. J'ai droit à 93. Non. Ah. Elle a 35. Ouais, sinon, on fait des questions qui sont au-delà des 100. Ouais, mais non, moi je vais les laisser parce que je les ai entendues ce matin. Du coup. Pas toutes. Mais, ah. Ouais. Donc tu m'as dit 35. 35. Magellan ou De Gama? Vite. C'est stressant. C'est stressant. Tocheux. Ah, je joue aussi. Bah oui, tant qu'à faire. Je sais pas que. Putain, ouais. 100. Bah non, la 93, je la connais. Je sais à quoi il fait. Il y a 9-3 représente. La 112. Les là. Ouais. Tintin, Spirou, Mickey ou Pif? Tintin, Spirou, Mickey ou Pif? Pif. Moi, j'ai une tendance communiste, je dirais Pif. Ok. Ah ouais. C'est un bouchon dans un verre. Et comment faire monter la capsule? En versant la bière dans le verre. C'est beau la physique. Oh là là. Alors on a eu une montée de mousse très rapide. Là c'est du faux col. Là on appelle ça un faux col, tu vois, techniquement quand oui, non, mais là c'est un faux col roulé là quand même. Ah oui, quand t'as 95% de mousse et 5% de bière. Ça s'appelle c'est ça un faux col? Ouais. Ouais, le faux col c'est la pellicule de mousse qui te recouvre la bière et qui l'empêche de se réoxygéner. Voilà. Et l'oxygène est là pour. Mais en vrai, normalement, il n'est pas censé faire 80% de la hauteur du verre. Quoi. Non, ça, c'est ça. Non, un bon focal, c'est entre. On m'a dit deux doigts. Oui, ça dépend de l'heure. Oui, mais ça, c'est. Alors. mais deux doigts, ça fait bien 2 cm. Hein. Ah oui, largement, oui. Non, mais ça dépend de l'heure, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on se refait un tour de questions? Oui, allez. On se refait un tour de questions. Maintenant qu'on a augmenté les 140? Non. Ah, vous faites comme vous voulez. J'ai eu un petit. Non. Du coup, c'est à toi. Ah. Bah non, pas 93. Mais en fait, les questions étaient réordonnées. Donc, du coup, la 93 n'est plus la 93. D'accord. Mais t'as réussi à refaire l'aléatoire? Moi, non. Mais en tout cas, ouais. Ça a été fait. Parce que j'ai essayé ce matin, mais. Ça va pas marquer. Elle est 124. Bien. 124, elle est là. Un droitier. Oui. Peut-il passer l'arme à gauche? Alors. Dans l'absolu, oui. C'est-à-dire que tu prends un fusil, tu le tiens de la main droite au début, et après, effectivement, par exemple, tu veux chercher un mouchoir dans ta poche parce que t'as le nez qui coule, t'es plutôt droitier pour ça. Du coup, tu passes l'arme à gauche, tu le tiens, tu te mouches, et à ce moment-là, tu te fais tirer dessus. D'où l'expression « passer l'arme à gauche ». Et c'est pour ça que c'est une vieille expression, parce qu'à l'époque, on mourait souvent d'un rhume. Voilà, exactement. Surtout d'un rhume et d'une balle dans la tête, du coup, en l'occurrence. Ah, mais ça, c'était chez les chasseurs. Ouais. Surtout quand t'avais couché avec sa femme. Le 8. Le 8. Une femme comme ça que ça serait. Une femme de chasseur. Qu'est-ce que ça peut être? À part un autre chasseur, je vois pas. Moi, je pense que si on accélère le rythme, on peut faire les 158. YouPorn ou Pornhub? De quoi? YouPorn ou Pornhub? Ouais. Alors, en fait, j'ai appris que c'était le même groupe. Et bah oui, c'est le même. Et en fait, il y a des vidéos. Ouais, d'ailleurs, ils Pornhub font ça avec du YouPorn. Mais je dirais Pornhub parce que Pornhub, leur cookie marche mieux. Ils savent que j'ai 18 ans constamment, alors que YouPorn, ils me demandent à chaque fois et c'est vraiment lourd. Ouais, le système de pagination. Non, moi, Pornhub à chaque fois, ils me demandent. Ah, mais c'est peut-être parce que j'accepte pas les cookies. Ou que t'es en navigation privée. C'est parce que t'es en navigation privée. Non. Ouais, c'est les cookies. Ouais, je sais pas, ouais, ça doit être les cookies. Ouais. Mais ça fait pas longtemps que Pornhub et YouPorn, ça va faire quoi, 6 mois? Je sais comme pas. Ça, parce qu'avant les deux étaient bien séparés. YouPorn, ah non, Pornhub. Ça fait très longtemps que YouPorn appartient à Pornhub. Oui, non, qu'ils appartiennent, d'accord, mais qu'ils aient regroupé. Parce que essaye de taper. Parce que là, t'as tout le temps de des vidéos. YouPorn, Je crois ah que non, YouPorn, ou alors c'en était un autre. Ah non, c'était. Merde, comment il s'appelle? X-Amster. Je sais plus. Non, c'était. Non, X-Amster est encore indépendant. C'est Nixix. J'ai vu ça avant-hier, je crois. Non, c'est. Je le connais plus. C'est. Oh, je sais plus, j'ai Mobile plus le nom. Ça va me revenir. RedTube. En tout cas, c'est pas l'hymen. Donc, on sent les mains à l'aise sur le sujet. Quoi. La 93 décomplexez-vous, les gars. Asto la 91. Elle peut faire 93, c'est plus celle-là. Donc, la 91. On ne fera pas la 93. Lorsque des frères ou sœurs siamoises vont dans un concert, ils payent une ou deux places? Ils sont siamois de où? Bah, de frères ou sœurs. Ils sont comme le bot. Ouais, mais. Ils sont de Lille. Ils sont de Lille, ouais. Ou une autre ville, mais. De Skelbeck, de Wormwood. C'est quoi la partie qu'ils Berg. Ont en commun? T'es en train de nous dire que ça dépend du nombre d'oreilles. Exactement. On scotte. C'est ça que je voulais. Mais s'ils vont au cinéma, ça dépend du nombre de yeux. S'ils ont chacun deux oreilles, bah, ils payent de place. On prend la médiane du nombre d'oreilles et on divise par deux. Exactement. Tocheux. 155. Mais s'ils prennent qu'une place. Assise. Quand on dit ferme la porte, il fait froid dehors. Si on la ferme, il fera plus chaud dehors. Bah techniquement non. Ça pourrait être marrant, mais comme quand je ferme la porte, je reste toujours à l'intérieur, je sais pas. Et donc pour deux raisons. Ah. Un, parce que déjà, la chaleur ne sort pas dehors. D'accord, donc là, il ne fera pas plus chaud dehors. Mmh. Et deux, tu ne chauffes pas ta baraque pour rien. Donc tu n'accélères pas le réchauffement climatique. Ah bien. Donc bien. Non, pour deux raisons. Très bien, merci Pof. C'est Phil. Tu vois. Et le pire, c'est que j'ai même pas tilté. Là. C'est pas grave. Oh. Non, tu dis P. Non, j'étais concentré sur autre chose. Sur le fait de bien poser mon verre au milieu du boc. Désolé. Pas grave. Mais c'est un plaisir. Pas grave, on est interchangeables. Oh, mais là, il a pas l'air sûr, lui. Nos meufs sont pas au courant que ça fait 3 ans qu'on change. Alors, Phil a pas l'air sûr quand même. Je voudrais pas dire. Phil mais... avec les cheveux bleus. C'est oui. Ça. Est-ce qu'on fait un troisième tour ou pas du tout Non, je sais pas. C'est comme vous voulez. C'est pas moi qui fais l'émission. Non, donc, moi j'adore les temps. Ouais. On est à combien de temps là On est à 1h20. 16 minutes. Avec 10 minutes de plus. Quoi De moins. D'accord. Ouais. En gros, on est à. De plus à moins. Ah, d'accord. On est à plus ou moins 10 minutes. Voilà, c'est ça. On peut faire, un, voilà, troisième on peut faire un troisième tour. Un troisième tour. Du coup, je t'écoute. Ah, merde. La 113. Les là. Le 113, on dit. 113. Peut-on faire de la confiture de coin dans une casserole ronde? Alors, oui. Ah oui. C'est tout à fait possible. Mais ça demande un paramétrage de ta cuisine bien particulière. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, il faut que ta gazinière soit dans un coin, à la jonction des deux murs, donc ce qu'on appelle effectivement un coin. Et là, effectivement, à ce moment-là, tu peux utiliser une casserole ronde pour faire de la confiture de coin dans un coin. Oh putain, les esprits pragmatiques, c'est l'horreur. Pof. Le 12. Ah mais c'est Pof, tu lui sors. La question c'est qui a voté la loi des séries? Je crois que c'est la Warner ou un truc comme ça là. Et il est en train de vérifier. Non, c'est pas la Warner. C'est qui? Je sais pas. Quel est le con qui a voté la loi des séries? J'en sais rien. C'est pas Gandalf hein, sinon ça se saurait. La une. C'est HBO peut-être un truc c'est comme Netflix, ça. C'est Netflix surtout. Une chose que tu voudrais changer? Mes oreilles. Les invités. C'est très physique. Moi, je me souviens que la dernière fois, Nastiello a dit qu'elle voulait changer ses seins quand même. Et que bah, Milou, il avait dit qu'il voulait changer. Les siens. C'est ça aussi, oui. Et pour terminer, Tocheux. 66. De quelle couleur est un schtroumpf qu'on étrangle? Je sais pas. Noir. Non, ça, c'est quand on le mord. Quand on le mord. Ah bon? T'as déjà mordu un schtroumpf? Les schtroumpfs mordus deviennent noirs. Ah bon, je sais pas. Oui, parce que c'est la gangrène. Ah, du oui. Coup. C'est pour non, ça que la schtroumpf pas de suspension. Personne. Pardon. Et dans trop longue, il faut lui raboter. Voilà. C'est tout pour moi. Et du coup, on va passer à ton dossier quiz. Bah, c'est un quiz. Enfin, c'est même pas un quiz, c'est un vrai faux. C'est un vrai faux? Ouais, c'est un vrai faux. Donc, c'est très binaire. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est un vrai faux quiz? Ou c'est un quiz à base de vrai faux? Ou c'est pas vraiment un quiz? Il m'énerve. Franchement, en tout cas, il m'énerve. On verra ça après le jingle. Je ne ferai jamais à ce générique. Hein. Entendre parler du clopipo comme ça, franchement, c'est contre nature. Alors, un petit vrai-faux sur la bière. Hein, on va être original. On est dans l'apéro original, justement. Et comme je ne savais pas quoi faire... Ah, et mais que c'est j'avais... ça, le nom. Oui, voilà. Bon, là, merci, péremptoire. C'est pas Randall, lui. Et donc, justement, pour être original, on va parler bière. Donc, le principe est simple. Hein, je vous envoie une énoncée. Vous me dites si c'est vrai, si c'est faux. Et puis, à la limite, si vous pouvez argumenter votre théorie. Ou au moins votre réponse. Et puis, j'essaierai de vous donner ce qui ressemble à une bonne réponse et éventuellement de la compléter. Est-ce que ça vous va? Yep. Allez. Pas tout compris. Allez. T'as pas tout compris. Tu veux, est-ce que, tu veux que je la refais? Est-ce que c'est pas des vraies chanteuses? C'est peut-être est-ce pas de la vraie bière. C'est pas japonais. J'ai aucune trace du Japon dans mon questionnaire. Est-ce qu'ils font de la bière au Japon? Oui, bien sûr. Oui. J'adore la Kirin, par exemple. D'accord. Ok. Ils font même du whisky parce qu'ils se sont rendus compte que tant qu'à faire, autant pousser le délire un peu plus loin et avec, après la bière, faire du whisky. Les premières traces de bière remontent à la Grèce antique. Vrai ou faux? Vrai. Faux. C'est beaucoup plus tôt. Oui, voilà. Alors attendez pas. Oh, ça dépend. Moi, je dirais, est-ce que c'est la bière qu'on entend maintenant ou la bière avec ses ancêtres? L'histoire de la bière, donc les origines de la bière, ce qu'on appelait de la bière à l'époque. La bière pour l'époque. En tout cas, l'Antiquité, il y en avait. Mais est-ce que ça il y en avait, mais est-ce que les premières traces de cette fameuse bière à laquelle tu penses remontent à la Grèce antique? Alors, je pense qu'elle remonte un petit peu avant. Un petit peu avant. Et j'irai en Mésopotamie, il devait y en avoir. En fait, moi, c'est en Grèce, du coup. Du moment qu'il y a eu des céréales et de l'eau quelque part. Moi, de ce que je sais, en Égypte ancienne, genre au temps des pharaons, ils avaient déjà un truc qui ressemblait à de la bière avec du pain et de l'eau et du miel. Donc effectivement, c'est faux. Les premières traces ne remontent pas à la Grèce antique. On trouve les traces de la bière dans l'histoire de la Mésopotamie. Et c'était à peu près il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé sur les tables d'argile des traces de consommation de ce qu'on appelait le sicarou, qui est une boisson fermentée à base d'eau et de grains qui était très appréciée à l'époque et qu'on appelait aussi le pain liquide. Elle était consommée lors des cérémonies religieuses pour rémunérer les ouvriers ou pour soigner aussi les malades. Hein, on savait faire un petit peu tout avec. C'était composé d'une galette de blé rouge et d'orge germée, cuite au four et mise à fermenter dans de l'eau. Et on a retrouvé des preuves de consommation de ce qu'on appelle une bière dans les provinces mésopotamiennes de Sumer, ce qui est aujourd'hui l'Irak, à peu près il y a 4 millénaires. Voilà. Enfin, 4 millénaires avant Jésus-Christ. On a trouvé aussi sur une tablette d'argile ce qu'on définirait maintenant et qu'on traduirait par un putain de lendemain de soirée qui pique la tête. Voilà. Écoute, moi j'ai retenu qu'ils utilisaient ça comme médicament. La prochaine fois que j'ai un bon mal de tête, je teste une cognac barrel pour voir ce qui se passe. Alors, il faut savoir que les Irlandais disent que la Guinness, ça soigne tout. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Genre, t'as un rhume, t'es pas très bien, vas-y, prends une Guinness, tu verras, ça fera du bien. Oui, non, Quiche, ma future femme, est allée au Sainte, en Guadeloupe, et là-bas, ils soignent... pas de demander des tourments d'amour. Exactement, voilà. Elle a pas oublié, elle en a ramené, ça a pas très bien vécu l'avion. là-bas, ils soignent tout au rhum. Elle a fait une initiation à la plongée, et t'avais un gars qui est ressorti avec genre un espèce de bourdonnement dans l'oreille, ils lui ont mis du rhum dans l'oreille. Ça passe. Ça a marché apparemment. Why ça not. Soigne tout. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une question sur, enfin, un vrai faux sur le houblon. Le houblon était utilisé par les Sumériens dans la fabrication des premières bières. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Moi, je dirais faux parce que tu l'as dit juste avant. Ça n'engage que toi. Je sais pas s'ils ont vraiment mis du houblon si tôt dans la bière en fait. Phil? Ah, je suis pas sûr que ça ait été effectivement le houblon. Ah, mais c'est lui, Phil. J'ai tenté avec d'autres céréales. Écoute, moi je m'adapte. Hein. Je fais comme je peux. Si vous changez de place tout le temps aussi, on va jamais s'en sortir. C'est faux. Les Sumériens utilisaient principalement de l'orge dans la fabrication de leur bière. Donc on parlait des galettes faites à partir de blé rouge et d'orge. Ils les plaçaient dans des jarres en plein soleil. Ce mélange qui formait une bouillie épaisse, fermentée pour donner ce qu'ils appelaient le pain liquide. Hein. Mais par contre, le houblon, c'est seulement au XVe siècle qu'il est entré dans les recettes de bière. Et cette découverte, cette découverte, on la doit à une religieuse, une bénédictine du nom de... Bah, du coup, la grâce de Dieu, très bien. Voilà, une certaine Hildegarde de Bingen. Oui, pardon. Voilà, elle avait compris que le houblon permettait de conserver la bière plus longtemps et plus efficacement. Là, on parle dans la fermentation basse. Il y a l'amertume et il y a aussi plein de développements derrière qui sont venus et qui ont donné à la bière ses lettres de noblesse. Donc, la plupart des bières sont avec quoi de nos jours? Du houblon. Oui. Donc, ça veut dire le houblon amène le côté aromatique. Sinon, la céréale de base, généralement, c'est l'orge. La bière qu'on a aujourd'hui, elle a vraiment des goûts qui se rapprochent de la bière du 15e siècle et pas du tout des bières qu'on a eues tous les siècles d'avant, du coup. Ça dépend. Il y a beaucoup. Enfin, ça dépend des bières. Il y a des brasseries qui vont vachement travailler sur le houblon où tu vas avoir vraiment le côté houblon, comme la brasserie Popin par exemple. Ouais. Et t'as des brasseries qui, enfin, ou des bières hein, où ça va être plus un travail sur le malt et l'orge utilisé. Et donc tu vas avoir un goût très malté, très prononcé sur ces notes-là. Ça dépend vraiment des types de bières. Oui, la caractéristique de la bière, c'est ce que veut faire d'abord le brasseur. Soit il travaille sur la céréale, soit il travaille sur l'adjonction de ce qui va faire le goût. Genre voilà. Du sirop de pêche, comme dans la mienne. Par exemple, tu peux avoir ça. Donc avec cette découverte, la recette, le terme et la recette sont scellés par un édit royal en 1435, et le mot bière apparaît vraiment à cette époque-là, et c'est comme ça qu'on définit cette boisson. D'accord, parce qu'avant c'était pain liquide du coup. Non, le pain liquide c'était vraiment la Mésopotamie, ouais. Mais il n'y avait pas de nom vraiment acté. On parlait soit d'une ale dans les contrées anglaises, et encore le mot ale est venu bien plus tard. Chaque région avait un petit peu son nom pour définir ce liquide-là. D'accord. Voilà, et la recette de base est figée, est actée. C'est les composants, c'est céréales, eau, houblon, point barre. Les Allemands, on en fait après une loi sur la pureté, mais ça, on connaît, on sait ça, que les Allemands et la pureté. Voilà, ça, on sait que les Allemands ont un petit problème de ce côté-là, mais c'est un fait, hein, on est obligé de le signaler. Mais voilà, c'est autour du 15e siècle qu'on a un petit peu commencé à vraiment figer la recette du houblon. Du coup, tu sais d'où vient le mot bière ou Absolument pas. C'est une bonne question. Je te remercie pas de me l'avoir posée. Très bien. Et ben, voilà. je dirai ça plus tard quand j'aurai cherché sur mon téléphone. Voilà, très bien. Mais prends le temps. Vas-y, il n'y a pas de souci. OK Google, origine du mot bière. Alors attention, on va arrêter avec OK Google parce que ça va rappeler des mauvais souvenirs à ma femme. Surtout, il y a pas mal d'auditeurs là où on a déclenché les téléphones. Oui, aussi. Oui, OK oui. Google, allumez la tireuse à bière. Ça, c'est pour quand ça, je rentrerai chez moi pour que ça l'allume direct. Ouais, mais faut que tu lances l'épisode quand tu vas rentrer chez toi. Oui, oui. Mais non, mais c'est quand on l'écoutera donc le vin. À la maison. Il y a des chances que ça marche parce que ça va reconnaître sa voix en plus. Bah oui. Le mec qui commande son Google Home du futur. C'est ça. Pourquoi pas. Allez, ensuite, chez les Gaulois, les druides étaient responsables de la préparation de la cervoise. Vrai ou faux? Oui. Ouais, la cervoise, c'est pas les Romains. Non, c'est les Gaulois. Non, c'est voilà. Mettez-vous d'accord. Faux. Moi, je dirais vrai, mais seulement le mardi. Ah oui, c'est pas faux. Par pleine lune. Ah oui. Enroulé dans du jambon. C'est ça. Ah, et en sautant à cloche-pied tout au long. Moi, je dirais faux. Il doit y avoir un autre gars qui s'en occupait. Il fallait bien que le druide soit en état. Quoi. Effectivement, c'est faux, mais c'était pas un gars qui s'en occupait chez les Gaulois. C'était les femmes qui étaient responsables de la fabrication de la cervoise. Ah, comme quoi elles faisaient des trucs utiles à l'époque. Elles étaient déjà dans leur cuisine à l'époque. Franchement, le monde est bien fait. Alors non, mais le monde est... là, honnêtement, on a une constante. Le monde est bien fait, moi je dis. Et franchement, s'il fallait s'appuyer là-dessus pour faire une théorie sur l'espace-temps, voilà, c'est les femmes dans la cuisine. Ou l'évolution des droits des femmes, etc. Les quoi? L'évolution. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, le rôle des druides, c'était de s'occuper de la religion et de veiller à l'observation des rites, de régler les pratiques religieuses, de rendre la justice et d'enseigner. J'ai une réponse sur l'origine du mot bière, mais ils sont pas sûrs. Ça vient du néerlandais bière, qui dérive soit du latin vulgaire biber, boisson, soit du germanique beza, effervescence. Beza. Wow. C'est une boisson effervescente. Ouais, d'accord, ok. Effervescente. Je vais en reprendre un verre. Et c'est à partir du 15e siècle que ça a supplanté cervoise, qui était d'origine gauloise. La cervoise, de mémoire de ce que j'ai pu en lire, était quand même quelque chose de bien, bien plus costaud et de bien, bien plus chargé en alcool et moins goûteux que ce qu'on appelle bière aussi. Ouais, c'était pas spécialement houblonné non plus. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des Romains. Dans l'Empire romain, la bière était réservée aux nobles, vrai ou faux? Non, je pense que c'est vin, plutôt l'inverse. Plutôt le vin qui était pour les... Non, moi je dirais oui, et le vin, il y en avait pour tout le monde. Je dis des trucs au pif. Ça peut marcher, hein. Tu sais, il y en a qui ont fait pire des fois. Non, moi, j'ai raté mon bac comme ça. Dommage. Ou non, peut-être pas dommage, remarque. Hein, je fais sans. Hein. Moi, je sais pas, écoute. Non, dans l'Empire romain, la bière n'était pas réservée aux nobles. Il n'y a pas de trace de bière, d'ailleurs, chez les Romains, sur la cité romaine, hein, in situ. À part peut-être parmi les esclaves qui ont laissé des traces là-dedans, mais qui étaient d'origine étrangère. Les vieilles canettes de 8-6. Ouais, les vieilles canettes. Les voilà. Cachés en romain. Chez tous ces étrangers, n'est-ce pas, qui étaient en dehors de la cité de Rome, là, on en retrouve des traces. Du coup, barbares dans les campagnes, mais pas dans les villes. Ouais, voilà, exactement. En gros, les cervoises gauloises et tous ces trucs-là. Voilà, les cervoises allemandes de... C'était quoi non, c'était pas encore les Saxons à l'époque, c'était quoi les Visigoths, les Ostrogoths, les trucs comme ça, ouais. Ouais, voilà. Les Pokémon Go. Dans la tradition littéraire romaine, on reprend un petit peu l'attitude des Grecs, c'est-à-dire que le vin est la boisson de l'élite, celle qui est urbaine et cultivée. Je sais pas si le et entre urbaine et cultivée est franchement de rigueur. La bière, c'est celle des rustres, voilà, c'est les gras mous, les gras du bide, les gros cons, les bas du front, tu parles tout de ce moi, que là. Tu veux. Non, non, je me permets, non, parce que ça définit pas une personne, moi je m'arrête plus à ça, mais plutôt, voilà, ce qu'on met dans le terme de l'époque, c'est les barbares, voilà. Donc, dans l'Empire romain, la bière, c'était plutôt la boisson des pauvres. Et le vin, c'était la boisson des dieux et par conséquent, celle des élites. La boisson des connards. Mais ça n'a pas changé, ça. Oui, non. Bah, voilà. Hein. De toute façon, c'est une constante, ça aussi. Hein. Voilà. Les femmes dans la cuisine, la bière pour les connards. Voilà. Dans un match de foot. Ouais, aussi. Ou de rugby. De foot. Non, il y en a des bons quand même au rugby aussi. J'en ai vu quelques-uns il n'y a pas longtemps. C'est... Ouais, mais c'est pas de la bière. Hein. De la bière, hein, qui peut. Hein. C'est de la Heineken. Ah oui, ah oui, c'est vrai, oui, si on commence à parler de bière. Allez, ensuite, au XVIIe siècle, on va traverser l'Atlantique. Les pères jésuites du Canada ont interdit la fabrication de la bière. Vrai ou faux? On est au XVIIe siècle. On est sur une terre qui est en pleine émergence. On a des pères jésuites, donc pas forcément les plus marrants, ouais, qui auraient interdit la fabrication de la bière. C'est des religieux, c'est un truc cool. Ils l'interdisent, ça paraît quand même crédible. Ouais. Ouais. Mais en même temps, ouais, c'est eux qui font de l'alcool à chaque fois. Donc non, c'est les abbayes. Trappistes. Ah oui. Font les... Oui, non, mais les religieux. Les moines trappistes. Et de l'alcool. Ouais, d'ailleurs, les moines trappistes, normalement, il n'y a que 13 abbayes reconnues dans le monde pour faire. Il n'y en a pas une 14e qui a été reconnue peut-être. Récemment. Moi, j'avais les 12 européennes et la dernière qui était aux États-Unis, puisqu'on en a dégusté une ici. Mais sinon, la majorité, enfin non, 95% des bières trappistes, des abbayes trappistes sont en Europe. Eh bien, c'est faux. Selon de nombreuses sources historiques, les pères jésuites auraient été parmi les premiers, au contraire, justement. À se piner la gueule. Aussi. Un ch'ti canon. Et le premier brasseur enregistré au Canada serait le frère jésuite Ambroise, qui commence à fabriquer de la bière en 1646, après la création de la Nouvelle-France. Que des bières en vrai, du coup? Non, pas spécialement. Puisque... Oui, oh, bien joué, pardon, excusez-moi, j'y étais pas. J'étais sur l'explication de ce qu'est la Nouvelle-France, parce que c'est pas forcément évident à l'époque. Même moi, quand j'ai cherché une définition de la Nouvelle-France, c'était un peu compliqué. La Nouvelle-France à l'époque. C'est la France du général, non? C'est pas le programme de Marine Le Pen. En gros, c'était le Québec plus. Moi, je pense que le général de Gaulle en 1646, ça aurait pu être un beau tableau quand même. Parce que la Nouvelle-France à l'époque, c'était l'Acadie, le Canada et la Louisiane. Donc, t'as qu'à voir le grand écart que ça fait faire quand même niveau géographique. Ça te couvre un sacré terrain. Allez, on va arrêter un petit peu pour le moment avec l'histoire. On va se pencher un peu sur les sciences. Est-ce que Louis Pasteur a joué un rôle important dans la stabilisation du goût de la bière? Il y a des bières pasteurisées. Oui. On parle bien du goût de la bière. Oui. Oui. Oh putain, c'est franc. C'est franc, ouais, massif. Non, mais oui. Oui. Il aime bien jouer avec des petites bébêtes, donc oui. Moi, j'en connais qui aiment bien jouer avec des petites bébêtes. Franchement, ils n'ont rien à voir avec le goût de la bière. Hein. Non, mais après, hein, les goûts, les couleurs... Oui, parce que c'est sur les bactéries, la pénicilline et les levures, un truc comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en élevant la température de la bière pendant un court instant, la pasteurisation, donc là, vous avez la réponse, permet l'élimination de micro-organismes, donc plusieurs causés d'importantes variations de goût. On sait que les micro-organismes, les bactéries, c'est l'ennemi de la bière. Si vous n'êtes pas au courant, on vous renvoie sur un épisode du Focol où Loli nous parle très bien de tout ça. Et puis, si Pasteur est connu sur ses vaccins, notamment celui de la rage, et il faut savoir qu'il a débuté sa carrière en travaillant sur les levures et la fermentation. Donc après, il y a tout un pitch où on vous dit que ça met en risque les risques d'infection et tout ça. Mais bon, je pense qu'on a juste assez dit qu'il fallait avoir des cuves propres, et qu'il fallait avoir une hygiène irréprochable pour faire de la bière. Et à partir de là, normalement, tout est à jouer. Oui. Je crois que tu allais dire quelque chose, Pof. Ah non, c'est Phil, merde. Non, ils ont encore changé de place. Tout va bien, Dizzy. J'étais en train juste de me redresser. D'accord. Oula. Alors, Pof est bourré. C'est parce que je vois pas bien les couleurs. Je m'appelle Phil. J'ai des petits gâteaux là, si vous voulez. Ouais, mais je veux bien. Allez, une question pendant que tout le monde. Non, mais moi je parle. Donc, tu te tais, tu le prends dans ta bouche et tu manges. Non, ça va être compliqué. Et du Chris Proulx avec. Question cuisine. Tiens, c'est dommage, il n'y a pas de femme. J'aurais jamais dû vous lancer sur cette blague. Oui. Non, mais le pire, c'est que je vais me faire des super copines avec cette histoire. Il faut absolument ajouter du sucre. C'est comme des copines avec une cape. Voilà. Exactement. Pas mieux. Franchement, pas mieux. Non, enfin, c'est pas une cape, avec... c'est un torchon. Hein, sinon, elle serait pas dans la cuisine. Ouais, puis si elles sont d'accord avec ce qu'il dit, dans l'absolu, ouais, c'est du super copine. Il faut absolument ajouter du sucre au mou pour obtenir de la bière. Non. Au mou du chat? Oui, par exemple, au mou de cervelle. Je non, la cervelle, c'est du mou, c'est ça? En cuisine, la cervelle, c'est aussi appelé du mou? Peut-être. Non, c'est pas. Mais du coup, là, c'est quoi le mou? Le mou, c'est de base. Le mou, c'est ce que tu as une fois que tu as fini de faire infuser ton malt. D'accord. Et ton houblon. Donc c'est une sorte de soupe. C'est ton résultat avant fermentation. D'accord. Voilà. Donc ce qu'il faut absolument, j'insiste sur le terme absolument, hein, puisque c'est quand même assez important dans la question, d'ajouter du sucre au mou pour obtenir de la bière. Bah moi, non, ça, moi je dirais non. Fermenter tout seul, t'as pas besoin de leur donner à manger au bec. Voilà. La base, c'est que la germination de l'orge génère de l'amidon. La chaleur lors du brassage conduit à la simplification de l'amidon en sucre. Donc on a les sucres simples et les sucres complexes, donc déjà on en a. Et ces sucres, sous l'action des levures, sont transformés en, en alcool. Transformés en alcool, mais en gaz carbonique et en chaleur. Donc on produit déjà naturellement du sucre, qui sont fermentissibles ou non. Donc c'est pas forcément la peine d'en rajouter du sucre. Si ton mou est déjà sucré en fait. En fait, en infusant ton malt, tu vas déjà récupérer le sucre de ton malt. Rajouter du sucre, ça va juste rajouter de l'alcool en fait. Ça va réactiver les levures. C'est pas que tu vas ajouter de l'alcool, c'est que en donnant du sucre, tu vas réactiver certaines levures. Voilà. Et ces levures qui vont se nourrir justement de ce sucre vont régénérer un surplus d'alcool. C'est ce que généralement donc on appelle. C'est comme ça qu'on fait de la 8-6 du coup. Alors je sais pas si la 8-6 est naturellement chargée en alcool comme ça ou s'il y a une double ou une triple fermentation, mais voilà, quand vous voyez double ou triple fermentation, c'est que derrière il y a eu des rajouts. Alors pas forcément de sucre, du sucre simple comme de la saccharose ou des trucs comme ça, hein. Mais par exemple on peut se servir du sucre de canne, du miel, du sirop d'érable, et chez les Belges ce qu'on fait beaucoup et peut-être ce qu'on a dans la Blom & Bier, c'est du sucre candy, parce que c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement dans la fabrication de la bière belge. Et du coup, la triple carmélide, ils ont remis deux fois du sucre. Du coup, c'est quoi qui est particulier dans le sucre candy? Le sucre candy, il est... Pas avoir du sucre... Ben, je sais pas. J'ai une image du sucre candy où il est très très brun. Mais hein, je sais pas si c'est brut. Ça... Ouais, il est brut, je crois qu'il est non raffiné. C'est un petit peu comme du sucre de betterave que tu vas prendre, que tu vas sortir d'une presse, et il va être très très sombre. Après, honnêtement, sur la caractéristique du sucre candy, j'ai le goût, j'ai pas la base pour t'expliquer exactement à quoi il correspond. Mais je pense que c'est un sucre qui est non raffiné, voire brut. Ouais. D'ailleurs, il sort généralement en cristaux. Oui, c'est des cristaux. C'est des cristaux de sucre que tu as comme ça, c'est pas de la pierre taillée ou de l'aggloméré qu'on retrouve à calibrer. On parlait de la fermentation. La fermentation basse se produit autour de 2 à 5 degrés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, on parle de la plage de température à laquelle travaillent les levures pour une fermentation basse, donc pour obtenir une lager. Que ça soit à 2 à 3 degrés Celsius? De 2 à 5 degrés Celsius, oui. Il n'y a pas de degré d'alcool. Hein, non, c'est... non, là, on parle de la température dans l'environnement, de l'environnement dans lequel la bière dire, fermente. Est-ce que c'est capable de le faire à cette température ou est-ce qu'il faut mettre cette température pour que ça se fasse dans de bonnes conditions? Alors, attends, est-ce qu'il faut? Tu peux me la refaire? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut? On peut tromper une levure est-ce mille fois. Est-ce qu'il faut être dans une fourchette de 2 à 5 degrés pour obtenir une fermentation basse? Non. C'est vachement froid de 2 à 5 degrés. Tu vas galérer à atteindre 2 à 5 degrés pour que Est-ce qu'il faut être entre 5 et 8 degrés pour obtenir une table basse? Moi, je dirais que ça dépend de l'inclinaison des pieds. Mais sinon, après, elle est bancale. Non, là, c'est la hauteur des pieds. Ah. Là, on parle de l'inclinaison. Ouais, 5 ouais, degrés. Ça tu poses le verre. 5 degrés, ça passe encore. 8 degrés. Moi, je dirais, c'est vrai. Et j'aurai ma théorie que j'expliquerai après seulement si j'ai raison. D'accord. Logique. Asto, Azertov ça me paraît pas déconnant, ouais. Ça te paraît pas déconnant, Azertov ouais. Moi, j'ai pas écouté, je m'occupais d'autre chose. D'accord. La fermentation transforme le glucose et le maltose, entre autres, en alcool et en gaz carbonique. Donc, les bières obtenues par fermentation basse sont souvent blondes, mais ça, on s'en fout. Elles sont un peu moins fruitées et moins alcoolisées que les bières de fermentation haute, mais elles sont plus chargées en gaz carbonique. La levure plus fréquemment utilisée pour la fermentation basse, alors là, attention, c'est du latin, et moi, le latin, c'est loin, c'est la Saccharomyces uvarum. C'est une souche dérivée d'une autre, hein, parce que alors là, le nom, franchement, moi, je ne peux pas. Et lorsque la levure a épuisé le glucose, elle commence à sédimenter dans le fond du fermenteur. Et cette fermentation, elle dure entre 7 à 10 jours, à une température comprise entre 10 et 15 degrés. Donc, entre 2 et 5 degrés, c'est une température vraiment trop basse. Même si on a une levure qui est censée travailler à des températures très très basses, ça les met en stase. C'est donc, vrai, ça ne travaille pas du tout. C'était surtout comment ils le faisaient à l'époque pour avoir 2 à 5 degrés sans système de réfrigération. Ben, quoi. Là, on parle de fermentation basse. À l'époque, aux anciennes, avant, comme tout à l'heure, on parlait de la cervoise, tout ça, les fermentations basses, les lagers n'existaient pas. C'était des bières hyper chargées en alcool parce que c'était des levures qui travaillaient à des températures très très hautes et qui développaient un très gros degré d'alcool. C'était ma théorie. Ma théorie, c'était qu'il n'y avait pas de fermentation basse à l'époque et donc, du coup, ils ne pouvaient pas atteindre ces températures, mais du coup, en fait, c'était quand même pas ces températures maintenant de nos jours. Voilà. Moi, j'aurais pas fait mieux que POF pour l'expliquer. Voilà. D'ailleurs, je ferais pas mieux. La fraîcheur qui est requise par le procédé a l'avantage de protéger la bière contre les bactéries et les champignons, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et les bières obtenues par ce type de fermentation basse ont une durée de conservation supérieure à celle obtenue par la fermentation haute. Mais là, du coup, je vous renvoie au problème des bactéries et des champignons. En revanche, les fermentations basses produisent moins d'alcool que les hautes car leur travail est freiné par l'alcool qu'elles produisent. Donc en fait, c'est un cycle qui s'auto-freine lui-même. Mais c'est beaucoup plus facile à contrôler. On a beaucoup moins de surprises sur des bières de fermentation basse que sur des bières de fermentation haute. Elles sont beaucoup plus stables. Et c'est pour ça elles sont plus faciles à travailler. Donc oui, elles sont plus stables du fait du frein qu'elles s'imposent en cycle fermé par la génération d'alcool. C'est ça qui donne les légères et les trucs comme ça, c'est ça ? C'est le type de levure que tu vas utiliser et le procédé. Le procédé va t'obliger à utiliser des levures basses si tu veux faire une lager et la levure basse va t'obliger à utiliser des températures très très basses. D'où le mot lager. On est sur un dérivé, sur une racine, je crois que c'est germanique, du lager, lower, bas. Oh. Et après, ale, je sais plus, high et haut. Ale, ouais, t'es plus sur du celtique. Oui, oui, oui. Et donc, parce que moi, il me semble que j'avais entendu une histoire comme quoi c'était pour ça que les lagers s'étaient mises à être produites en masse quand ils avaient commencé à faire des fermentations basses parce qu'elles étaient beaucoup plus stables et beaucoup plus simples à produire. Oui. Mais il y a une relation de cause et à transporter, hein. Du coup, aussi, probablement. Le stockage, oui. C'est pour ça que ça a été que ça a explosé les lagers quand c'est arrivé sur le marché. Quoi. D'une part, c'était nouveau, et puis le procédé permettait justement de les conserver un peu plus, de les exporter un peu plus loin, et ça s'est répandu comme ça. Parler de la fermentation basse, on va venir sur la fermentation haute. Mais je pense qu'on a déjà donné une partie de la réponse juste avant. La fermentation haute permet d'obtenir un plus haut niveau d'alcool que la fermentation basse. Alors, je te coupe deux secondes. On salue David sur le chat. Ah, salut. Bonjour David. Bonjour David. Donc, je reprends la question. La fermentation haute permet d'obtenir un plus haut niveau d'alcool que la fermentation basse. On a donné des parce que tu l'as dit il y a 10 secondes. Voilà. La fermentation haute, elle se produit donc sur un palier entre 18 et 25 degrés, toujours à cause des levures qui travaillent dans cette plage de température. Et c'est surtout que la présence d'alcool n'affecte pas l'activité de la levure lors de la fermentation haute. Voilà. Donc, alors que la basse s'autofreine, comme tu disais tout à l'heure. Bah, de fait, vu que la basse produit de l'alcool et que c'est l'alcool qui a tendance à freiner un petit peu la fermentation. Oui, parce que les levures sont complètement bourrées, du coup, elles n'ont plus envie de bosser. Donc après, si tu veux monter en degré d'alcool une lager, bah, c'est pas dur, tu rajoutes du sucre. Voilà. Là, tu vas faire une deuxième fermentation, tu vas réactiver certaines levures, tu les remets dans la plage de température, tu vas régénérer de l'alcool. Voilà. Après, le cycle n'est pas infini non plus. Les levures, au bout d'un moment, c'est des organismes vivants, mais comme tout organisme vivant, il meurt et il sédimente et il tombe au fond de la bouteille. Allez, question pour les femmes. Hein ? Mais elles ne sont pas là. Non, pas cuisine. La bière contient moins de calories que le vin. Parce qu'on sait que les calories, ça leur tient à cœur. Oh, j'ai décidé, je me ferai la totale aujourd'hui. C'est Jean-Michel PMU aujourd'hui. Oui, quand c'est même, ça, t'as vu Ah ben, on se refait pas. Je pense que c'est beaucoup plus nourrissant de la bière que du vin, mais c'est instinct, c'est sans aucun... La bière contient moins de calories, vrai ou faux ? Je crois qu'il y en a plus. Je crois que c'est faux. Ouais. La bière contiendrait plus de calories. Ouais, j'ai vu des diagrammes tout ça, sur femmeactuelle.fr. Le pire, c'est que je crois que c'est vrai. J'avais cherché en fait et je suis tombé vraiment sur un truc de magazine féminin. Mais ça, c'est depuis qu'il se fait teinter les cheveux et qu'il a les cheveux longs. Je le reconnais plus. Je te rappelle que c'est toi qui m'as conseillé la coiffeuse. Hein. Oui. Alors, pour qu'elle te les coupe les cheveux, pas pour qu'elle te les teinte et que tu les gardes longs. On s'est mal compris. Bah alors, les deux vieux du Mopette, on se tait là, si vous voulez. Alors, c'est Waldorf et Statler. On a retrouvé Waldorf et Statler. Donc là, quand on commence à comparer le vin, par exemple, et la bière au niveau des calories, il faut savoir qu'à quantité égale, la bière possède moins de calories que le vin. Mais on parle de quantité égale. Là où ça peut être trompeur après. Ah oui. C'est que de la bière, t'en bois 6 litres. Non, ce qu'il y a, c'est qu'un verre de vin, c'est 25 centilitres, alors qu'une bière, t'en bois plus en général. Ah, il faut juste parler de doses, faut juste comparer après derrière avec les doses standards, parce qu'elles ne sont pas identiques. Quand on parle de vin ou de bière, la dose standard pour un vin, en fait, c'est 10 centilitres. Ah, c'est même pas 25, c'est 10 centilitres. 25, ça fait beaucoup déjà. Et à 10 centilitres. J'ai pas aucune idée, en fait. C'est un demi, hein, 25. T'imagines, un demi de vin. Représente-toi un demi de bière et mets un demi de vin à côté, tu vas voir, tu vas pas faire la même tête quand ça va arriver. La dose standard de vin, c'est 10 centilitres et ça représente en moyenne 82 calories. La dose standard de la bière, c'est 25, donc c'est ce qu'on appelle le demi. Et là, ça fait 106 calories. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand tu bois un verre de vin et que tu bois un verre de bière, bah, tu prends plus de calories avec ton verre de bière. Même si intrinsèquement, la bière est beaucoup moins calorique que le verre de vin. Au, au litre. Voilà. Ramené au prorata, la bière est moins calorique, mais ramené au verre, bah, ramené à ce que tu descends en bière, c'est vrai qu'en général, c'est pour ça que les femmes préfèrent le vin. Ouais, te faire à deux une bouteille de vin, bon. Voilà, bon, t'as déjà passé une bonne petite soirée. Oui. Enfin, ça dépend du vin. Moi, j'ai passé des soirées au vin qui n'étaient pas fun. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, déjà, tu penses que tu es sur une bonne picole à deux sur une bouteille de vin. Alors que te faire à deux un fût de bière de 5 litres, ça ne fait pas assez. Là, ça va. Ouais, ça passe. Donc, effectivement. Tout est question de proportion, on est d'accord. Ça fait 3 pintes par personne. J'avais même fini comme ça, tout est question de proportion. Je suis raccord, hein, putain, je suis content. T'es raccord avec toi-même. Ouais, c'est... non, mais c'est rassurant. C'est rassurant. Bah, au mois du passé, tu sais, ça finit à ce matin. Hein, le mois du passé. Donc, Allez, une autre. Les bières plus pâles. Donc là, on parle bien de couleur de la, de la bière quand elle est versée dans le verre. Pas qui c'est qui l'a fait. Contiennent autant de calories que les bières plus foncées. Je vous rappelle qu'on est juste sur de la bière. Ouais. Ça dépend des bières foncées. Comme ça, on dirait oui. Contient plus que. Autant. C'était quoi? Est-ce qu'elle les bières plus pâles contiennent autant de calories que les bières plus foncées? Alors, d'instinct, je dirais que les bières foncées sont plus caloriques, mais je pense qu'en fait, c'est la même chose. C'est exactement ça. C'est la même chose. En fait, ce qui influence. Là, le mot important, c'était juste la couleur de la bière. Et la couleur de la bière ne tient pas à sa composition. Elle tient juste à la, au degré de torréfaction de la céréale. Enfin, que la céréale a subi. Plus la céréale va être torréfiée, plus elle va être sombre et on obtiendra des bières noires. Et moins elle sera torréfiée, plus on aura une céréale qui va sortir claire et qui donnera une bière claire. Voilà. Ensuite, le degré d'alcool n'a aucun impact sur la couleur d'une bière. Donc, si on déroule normalement, la réponse devrait être logique pour vous. Ouais. Ça change rien. Aucun impact. Voilà, la couleur de la bière provient de la sorte de grain utilisé et en majorité de leur degré de torréfaction, c'est ce qu'on disait juste avant. Pour info, la torréfaction, ça peut aller de 80 degrés jusqu'à 220 degrés. Généralement, on s'arrête à 220 degrés parce qu'après, ça n'a plus aucun intérêt. C'est du charbon et c'est surtout que là, on retire vraiment le dernier morceau de palier gustatif qui restait à la céréale. Voilà, 220 généralement, c'est le grand max. Pour info, mes gâteaux, c'était 170. Hein. Oui, bah, ils sont déjà bien noirs. Bon, ouais, ils sont au chocolat. Mais ils sont chocolat. Ouais, j'aurais pas dit bien noirs. Ils sont bien chocolat quand même. Hein. Je sais pas si on les verse dans une bière, ça peut faire quelque chose. Est-ce que ça peut être caché, effervescent? Tu mets un gâteau, tu mets du sucre, ça refermente, tu fermes. Et on voit ça. Alors, cacao. On vient de se faire une recette en direct. Elles sont pas déjà mortes depuis longtemps, les levures, quand tu les as dans ta bière? Non, pas forcément. Si tu peux, alors, on va reprendre l'exemple Beemaker. Tiens, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de nos amis de Beemaker. Quand tu fais le kit, généralement tu laisses fermenter, c'est quoi, 15 jours, 3 semaines ou 15 jours déjà, c'est pas mal. Ouais, 10 à 15 jours. 10 à 15 jours, tu as le barboteur qui sort de la cuve qui te permet d'échapper les gaz qui sont issus de la fermentation. Ça te prouve que c'est encore vivant. Donc après, tu remets un peu de sucre, tu remets en embouteillage. Quand tu ouvres ta bière, une fois que tu veux la goûter, je peux te dire qu'il y a encore de la mousse qui sort. Moi, j'ai vu un geyser sortir une fois sur une bière. Oui. C'est immense. Donc des fois, tu as encore des bières qui sont les bières très jeunes, surtout qui doivent être bien consommées rapidement. Quand tu ouvres, quand ça continue à mousser, c'est que la fermentation a été encore en train de faire effet. C'est-à-dire que la bière bio là, qu'on avait tout à l'heure, qui a moussé comme une folle quand on l'a ouverte Peut-être qu'elle a été un peu secouée, peut-être qu'elle a réagi à une température. Parce qu'elle mousse beaucoup quand on la verse aussi. Donc Après, la vitesse de précipitation peut... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste des mécaniques des fluides, mais la vitesse de précipitation peut créer des turbulences et générer des bulles d'air. Donc là, tu peux avoir la mousse pour ça aussi. Mais juste sur l'ouverture, il y a des chances pour que ta bière soit encore un peu vivante. Oui. C'est pas un truc qui t'arrivera avec de la Heineken, parce que c'est... Enfin, ce genre de bière qu'on avait là, c'est une bière non filtrée. Mmh. Donc, tu as forcément des résidus dans ta bouteille et potentiellement de la levure qui a pu se réactiver. J'ai entendu parler de bière aussi où ils rajoutaient du sucre juste avant de les mettre en bouteille. Oui, c'est ce qu'on appelle la refermentation. Où tu rajoutes ces sucres justement pour aider les levures à retravailler derrière. C'est ce qu'on fait justement avec le kit Beemaker. Avec le kit Beemaker, oui. Après avoir fermenté pendant 15 jours en cuve, tu rajoutes du sucre à ce moment-là. Voilà, tu tires ta bière, tu la mets en bouteille et tu rajoutes un petit peu de sucre. C'est la deuxième fermentation. On appelle ça la réactivation. C'est ça. Allez, on va se faire un petit peu d'actu moderne sur une info de 2014. Alors, j'ai trouvé que des infos sur entre 2012 et 2014. Les dernières sont... J'ai eu beaucoup de mal à y accéder. Dans le monde, on consomme à peu près 200 milliards de litres de bière par année. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 200 milliards. Enfin, c'est un chiffre qui est gigantesque. Donc, ouais, mais ça paraît pas... Ça fait combien en pinte? Bah, tu divises par deux. Ça dépend de la pinte. Tu fais fois deux. Ça dépend de 400 milliards de pintes. Chez nous, la pinte, c'est 50. Tu vas, tu vas en Angleterre ou en Irlande, la pinte, c'est un litre. Donc. Ou même peut-être en Allemagne aussi. Ah, je sais plus. C'est toi qui avais fait le... Ah, je sais plus. J'ai fait ça au dernier épisode. Ouais. Donc, vrai ou faux, 200 milliards de litres, est-ce que ça vous paraît cohérent? Oui. J'allais dire coréen. Coréen. Par an, hein. Par an. Oui, on parle de 200 milliards de litres de bière par année. Moi, je pense que c'est encore plus. Moi, ça me paraît être pas loin. Ça me paraît déjà gigantesque, mais je pense que c'est même encore plus. Ça fait 40 milliards par mois. Ouais, mais prends le nombre d'êtres humains qui boivent de la bière. 8. Alors, en 2014, on était à 203 milliards de litres. Je pense que depuis 2014, ça a même bien augmenté. Mais, sur les consos instantanées, il y a un site que vous trouvez sur c'est bonial.fr. où il y a un petit peu toutes les consommations de toutes les ressources naturelles ou transformées de la planète à l'instant T, ou à l'instant I pour les puristes. Et on est sur une tendance qui va au-dessus de 203 milliards. Mais en 2014, c'était 203 milliards de litres. C'est ce qui faisait à peu près 6500 litres de bière chaque seconde. Imaginez-vous le torrent de bière que ça représente. Voilà. Pas de réaction? Pas plus que ça. Non, moi j'étais sur le torrent de pisse que ça représente juste après, mais ça fait énorme. Voilà. T'imagines, la surface de filtration rénale qu'il faut pour tout ça. Exactement. À noter que dans certains pays, en Allemagne par exemple, tu recycles la pisse justement pour refaire de la bière. Comment ça? C'est dégueulasse. Bah, la bière allemande, des fois, c'est un petit peu le goût de pisse. Hein. Bah, c'est oui, c'est de la pisse vasseur. Oui, ouais, voilà. Et donc, d'ailleurs, en parlant de, si je puis me permettre, rien à voir avec la bière, mais du coup, avec la pisse, si un jour vous voyez des golfs marqués AdBlue dessus, ouais. En fait, c'est du liquide dedans qui sert en fait à faire en sorte que ça pollue un peu moins. Et ben, sachez-le, c'est de l'urée. Donc, c'est marqué AdBlue, ça paraît hyper écolo, c'est de la pisse. Ouais. Et c'est des bagnoles allemandes. Voilà, donc on revient sur. En boucle. Hein. Qui se sont fait choper pour les indices de pollution trafiqués. Exactement, bien entendu. Donc finalement, est-ce que ça pollue vraiment moins? Ouais, je sais pas. Comme quoi, leur système. Mais tu roules à la pisse. Pollution, c'est de la pisse. Ça coûte cher la pisse quand même. C'est pas écolo, mais c'est économique. Et donc. Je suis sûr qu'ils te le revendent cher en plus. Toute cette bière, il y en a 38% qui est consommée en Asie, mine de rien. 28% en Amérique. En Asie. Comme vu qu'on parlait des Allemands. En Asie, AZ. AZ. Oui, donc on parle des Allemands. En Asie, A-S-I-E. Voilà. Plus loin. Chez les petits jaunes. Voilà. 28% en Amérique et seulement. Rien à voir avec la pastille. Ouais, non, aucun. Alors là, aucun du tout. Et 26,4% en Europe. Mais là, je vous dis, c'est les chiffres de 2014. Je pense que depuis le temps, l'Europe a quand même comblé un petit peu de retard sur l'Amérique. Déjà, ne serait-ce que par la qualité. Hein, voilà, ça c'est fait. Ça c'est pour posé. Les copains. Écoute, figure-toi qu'il y a quand même de très très bonnes brasseries États-Unis. Oui, non, ça c'est. On a une image assez biaisée de la bière. De la bière américaine, pardon. Oui. Ouais, parce qu'on imagine la Bud Light, quoi. C'est global. On imagine beaucoup de lager justement, et c'est des bières très légères qui ont très peu de goût en fait. Alors que il y a pas que ça. Ben, une lager quand c'est bien fait. Oui. Il y a pas de souci. On va prendre l'exemple de la Brooklyn Brew, ce qui est fait par Brooklyn Brewery. Je pense que vous avez dû la voir parce qu'on la trouve pas mal en commerce maintenant. C'est cette étiquette noire fond vert avec un B doré, un B stylisé, qui est une lager et qui est très très bien faite et qui rencontre un succès mondial. Juste pas parce qu'elle est de Brooklyn, mais parce que c'est une lager qui est très bien réussie. Voilà. Ils font la Bel Air Sour aussi. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les bières un tout petit peu plus acidulées, très pétillantes, qu'on a goûté la dernière fois à Limoges. Enfin, moi, je l'ai goûté à Limoges la dernière fois. Je sais plus. Voilà. Donc, c'est l'exemple de bières américaines qui sont réussies. Et comme dit Asto, je pense qu'il y a un déficit d'image pour ces bières, je mettrais commerciales entre guillemets. Les États-Unis ont une très grosse force de frappe sur la bière artisanale. On avait la dernière, c'était Lagunitas, qui était une brasserie indépendante qui, malheureusement, a été racheté par c'était AB InBev ou Heineken, je sais plus. et qui a été racheté par un grand groupe, et la production a été relocalisée sur plusieurs endroits, et on sent que personnellement je sens la différence, mais ça c'est purement personnel. Est-ce qu'il n'y a pas un biais cognitif qui vient te casser le truc, je sais pas. Voilà, mais il y a des très bonnes bières américaines. Mais dans la majorité, moi, j'ai un peu de mal quand même avec tout ça. Beaucoup de préjugés sur la bière américaine aussi. Ouais. On va faire un petit podium de ceux qui consomment le plus de bière au monde. Et si je vous dis que ce sont les Australiens qui sont les plus grands buveurs de bière, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'insiste, c'est une statistique de 2012. Faux. Moi, je dirais vrai parce qu'ils sont plus nombreux que les Allemands. Ouais, pourquoi ils sont pas méga nombreux non plus, les Australiens, c'est grand, mais ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de déserts, ouais, merde. Attention, l'Australie c'est aussi un grand territoire, mais qui est peuplé seulement sur une façade. Hein, quand même. Oui, c'est pour ça. Là, c'est à la limite. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais. En fait, c'est ce qu'il vient de dire, mais sans parler en termes de densité. Ouais, voilà. Non, clairement pas. Je les mettrai clairement pas sur le podium. Ouais, non. Ils sont pas du tout sur le podium. Les premiers, ce sont les Tchèques qui tournent à près de 150 litres. Par personne et par jour. Ça se pourrait, ça se pourrait. Non, ils sont à 148 et quelques brouettes. Et viennent derrière... Oui, mais tous les combien? 140 000 quoi? L'unité. C'est litres par personne par an? Oui, oui, on parle de litres par an. Ah oui, quand même. Par personne. Ouais. Ok, ouais, c'est chaud. Par habitant. C'est violent quand même. Parce que ça veut dire qu'ils boivent en moyenne... pas loin d'un demi-litre par jour. Par jour. Oui. C'est alors, une pinte par jour. Moi, je suis allé en Slovaquie. Donc pas impossible, juste à côté mais de c'est la, chaud. De la République tchèque. J'ai eu des périodes où je faisais ça. Hein. Oui, non, mais ça compte les enfants, les vieux et tout. Hein, donc... Mais justement, moi, c'est quelque chose. Et que les femmes qui boivent pas. C'est un chiffre qui m'a pas surpris parce que moi, quand je suis passé en Slovaquie, donc juste à côté de la République tchèque, le soir, quand tu te balades, c'est-à-dire que de 4h à, tout le monde est bourré. À 20h, presque, ça pourrait. Mais la boisson là-bas, c'est de la bière. Donc c'est une bière très légère, c'est de la pils, mais tout le monde ne boit que ça. Et ils le boivent en mangeant. C'est-à-dire ouais, que okay. Sur une table à côté de moi, j'avais un couple de personnes âgées qui buvaient leur pinte avec leur soupe. Voilà. Ça fait beaucoup à pisser quand même à la fin. Hein. Ça fait beaucoup de liquide. Mais donc c'est... Ils ont des couches, c'est bon. C'est le principe là-bas, ils en boivent beaucoup. Donc 150 litres par an par personne. Final, moi va. Personnellement, ouais. Ça, c'est un truc qui m'a pas choqué. Si sachant que la pinte, c'était que le soir. Ouais. Si c'est okay. Quasiment que le seul alcool qu'ils boivent et que effectivement ça fait partie des traditions, les vieux en boivent, du coup ça va. Azertov, mes tympans, ils ont fait bravo dans mon cerveau. Encore une fois. Elle est pas de rien. Ça, monsieur. Hein. Et après les Tchèques, qui est-ce qui peut venir se disputer la deuxième et la troisième place à votre avis? Moi j'ai perdu toute foi dans les Allemands. Là. Moi j'aurais mis les Indiens peut-être. Hein. Les Indiens quelque part. Non. Ouais. Non. Mais attention, c'est par personne. Les Chinois. Donc, du coup, le nombre de personnes ça compte on, pas. On va rester en Europe. Vu que c'est okay. Par personne. Ah bah on les va rester Anglais en Europe. Les Polonais. Les Anglais. Non. Les encore dans les pays d'Est du coup ouais. Moi j'avais dit la ça Pologne. Ça dépend où est-ce que démarre l'Est. J'ai dit les Anglais ou pas? Oui. Je pense la Roumanie. Non. Le Luxembourg. Non, non. Où est-ce mais que tu ne devrais l'est... pas abandonner ta foi si facilement. Le Liechtenstein. Bah, les Allemands, du coup. Voilà. On a les Allemands, effectivement, qui sont sur le podium. J'ai dit les Anglais. Oui, plusieurs fois. D'accord. Et après, leurs cousins germains. Hein. Bah, les Autrichiens. Voilà. De toute façon, c'est le même pays, tout ça. Bah, oui. Déjà, c'est la même culture. C'est, hein. C'est un peu la même idéologie. Hein. L'Anschluss, tout ça, c'était beau. C'était le bon vieux temps. C'est pour ça que j'avais la Pologne aussi, du coup. Oui, oui, oui, oui, exactement. Oui. Alors, j'arrive pas à suivre parce que j'ai des lacunes historiques, mais je suis pas d'accord avec les blagues que vous faites. Donc, Autrichiens et Allemands, 107 et 106 litres par personne à l'année. Ce qui est pas. On peut être surpris de retrouver les Allemands. Je dirais seulement la troisième place. Ouais, moi aussi, de par réflexe, j'aurais dit les Allemands. Mais peut-être que c'est comme on disait avec les. Comme on disait avec les Américains, peut-être que c'est une question de préjugés. Ouais, moi, j'avais à peine 18 ans quand j'étais allé au JMJ en Allemagne. J'avais une famille d'accueil et ils te proposaient une bière comme on propose un coca. Quoi. Je veux dire, il est 2h de l'après-midi ou même il est 3h. Enfin, bref, tu rentres. Ils font hey, « Salut, t'as passé une bonne journée, tu veux une bière ?» Quelle que soit l'heure. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est de la bière allemande. Quoi. Donc, ça reste des trucs légers ce qu'ils te proposent. Hein. C'est pas... Et donc, pour info, les Australiens sont 11e avec 83 litres par an et la France 41e, 30 litres par personne. Seulement. C'est peu. C'est... Ouais, mais c'était en 2012. Et l'Angleterre. Ouais, mais quand même, c'est pas énorme. Voilà, voilà. Donc, on va faire peut-être juste une coupure de secondes. Ouais. Ah. Ah, on serait plus sur Discord. Ah, moi je croyais qu'on avait des plaintes des féministes. Non, ah, mais ça va. Étonnamment, non. Non, tout va bien. Mais en même temps, il faut accéder à un ordinateur pour pouvoir se plaindre. Oh merde. Ouais, puis l'ordinateur, il n'y en a pas dans la cuisine. Ouais, voilà, c'est ça. Ça. Quand t'as pas de maison. Capte mal le wifi dans la cuisine. Quand t'as pas de maison de connecter. Mais on est toujours en train de diffuser, par contre, rassure-moi. On peut raconter nos conneries comme on veut. C'est bon. Rassure-moi, il y a des gens qui peuvent nous détester par rapport à oui, ce qu'on dit. Voilà. En tout cas, ça diffuse toujours. Moi, je vois que ça part sur Balado. D'accord. Ça enregistre ça part, partout. Ça dit quoi? Ça dit du bien? Ça dit du mal? Non, ça part. Pas ça parle. Ah, pardon. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'attends un petit peu que tu me donnes ton go pour continuer sur le questionnaire. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 questions. De questions. Vas-y, sinon, continue. Sinon, je continue. Alors, attends que je retrouve ma marque. Ah, ben, on parlait de la brasserie Guinness tout à l'heure. Ah, des Anglais. Ouais, voilà, des Anglais. La brasserie Guinness a vu le jour à Glasgow, en Écosse. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont pas irlandais. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. Parce l'histoire irlandais. La brasserie a été créée en 1759 par Arthur Guinness, un fils de brasseur qui a décidé de louer une brasserie à Dublin. Il a signé un bail le 31-1759. Ah oui, ça fait un 31 bail. Décembre, pardon. Signe un bail qui lui accorde l'usage d'un site en contrepartie d'un loyer annuel de 45 livres. Savez-vous, juste par curiosité comme ça, quelle était la durée du bail signé? 100 ans. 10 ans. Non. Et là, vous êtes loin du compte. Illimité. Ça aurait pu. Il me semble qu'à une époque, il y a eu une histoire de bail illimité. Mais non, on est à moins de 1000 ans quand même. 500. 500. Non plus. C'est plus ou c'est moins? C'est 500, tu parlais de 500 ans? 500 ans, oui. C'est plus de 500 ans. Ah, parce que d'habitude, en fait. Non, bien, c'est plus. 700? C'est plus. 854? 990. C'est bien plus. Alors. Bah, 982? Non, c'est toujours plus. 999? Toujours plus. Mais tu nous as dit moins de 1000. T'as dit moins de 1000. Ah, pardon, j'avais compris 10 000. Mais non. Non, on est à plus de 1000, pardon, excusez-moi. 1500 ans? Plus. 5000. Plus. 9999. Moins. 9000. 9999. 9000 ans. Mais quand même, c'est chaud. Ça a été signé comme ça. Alors, j'ai trouvé aucune justification. Alors, faut savoir qu'il y a une université, je sais pas où, qui paye des intérêts d'un crédit depuis 400 ans à une autre ville anglaise. Enfin, ils ont des trucs chelous, les Anglais. Ils payent 2 livres et quelques par an. Mais faut savoir que, en fait, en Angleterre. Alors, je n'ai aucune vérification de mes sources, mais de ce que je me rappelle avoir entendu. Mais j'aime bien dire de la merde. En fait, quand tu achètes une terre, tu l'achètes pas vraiment parce que ça reste propriété de la reine. D'accord. Donc en fait, c'est juste des bails ultra longue durée. Alors je ne sais plus combien exactement, mais genre donc du coup au niveau des transmissions d'héritage, c'est compliqué en fait parce que tu transmets un bail. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'anglais en fait qui achètent du terrain en France pour des raisons d'héritage simplement. Comme ça, c'est un meilleur placement que de le prendre en Angleterre. Voilà. Donc du coup, je comprends le bail de machin, mais en fait, c'est peut-être beaucoup plus standard que ce que tu imagines d'avoir un bail de 9000 ans. Alors, sachant que ce bail n'existe plus puisque la brasserie a racheté et même agrandi la propriété. La particularité de Guinness, là, on parle de la bière. Selon les règles du service, une Guinness, donc là, on parle d'une pinte d'environ 50 centilitres. Est-ce que vous connaissez la durée légale reconnue par Guinness, conseillée par Guinness pour servir une bière qui sort du bec? Quel laps de temps il faut pour servir une bière correctement, selon Guinness? 1 minute 30. Plus. Il n'y a pas genre 5 minutes, le temps de laisser décanter un peu. Il y a un temps qu'il pour faut... Pour servir 50 centilitres? Ouais. Plus d'une minute 30? Ah oui. Oui, parce qu'il faut que tu la laisses reposer. Tu dois la laisser reposer, tu la remets. Il y a toute une démarche à la con. Je crois qu'il doit bien avoir 10 minutes ou quelque chose comme ça. En fait, on la sert en 119,5 secondes, c'est-à-dire juste un petit peu moins de 2 minutes. Ouais. Et on la sert effectivement en deux temps. La première fois, on remplit la pinte à 70-80%. On laisse poser, histoire que la mousse retombe un tout petit peu, que le chapeau de crème se rétrécisse. Et on finit de la resservir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît les touristes et qu'on s'en amuse en Irlande. C'est que généralement, les touristes prennent la première servie. Ouais. Ils la boivent et les autres rigolent autour parce qu'ils ne connaissent pas forcément cette technique. Et ils n'attendent pas que ça retombe avant d'être resservi. Pour la fin. Voilà. Et la légende veut que le service en deux temps de la Guinness est une origine religieuse. En fait, Arthur Guinness aurait commencé à se servir quand sonnait l'heure des vêpres, donc l'heure des vêpres, je crois que de j'allais faire la blague, mais en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'était l'heure de prier. Oui, c'était l'heure de prier. Il avait servi, il avait commencé à la servir, il l'a laissé reposer et il a repris le service pour finir, pour compléter sa pinte. Une fois que les vêpres étaient terminées, l'heure de la prière était terminée, et il s'est rendu compte que c'était meilleur. Ah, c'était un tout petit peu aéré, c'était un tout petit peu oxygéné, et du coup, il y avait plus de goût. On va rester chez Guinness. Guinness a déjà publié une campagne publicitaire qui vantait les bienfaits de ses bières pour la santé. Vrai ou faux ? Oh, vrai. Oui. Après, si c'est à la même époque où Lucky Strike disait que ça calmait la toux, oui, probablement. Je ne sais pas ça à, devait être autorisé à quelle époque Lucky Strike a fait ça. Bon, tu vois, l'époque de la série Mad Men, bon, on n'est pas loin, quoi, un peu avant. Là, on est plus dans les années 1920, où Guinness fait la promotion des bienfaits de ses bières pour la santé. Ils ont lancé une campagne publicitaire qui proclamait, mais en plus sans aucune preuve scientifique du tout, que la Guinness était bonne pour la santé. D'où le slogan. Une Guinness par jour ou un truc comme ça. Non, Guinness is good for you. Ah. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi, c'est un slogan que j'ai souvent entendu quand j'ai commencé à me pencher sur la Guinness. Et il y avait même certains hôpitaux qui prescrivaient la bière à leurs patients pour les aider à reprendre des forces, parce que c'était une bière qui était réputée pour être nourrissante. Ouais, dans tous les sens du terme. C'est resté dans les traditions. C'était une bière qui avait de nombreux apports en termes de protéines, de tout ce qu'on veut. De sels minéraux, de plein de trucs. Et depuis, plusieurs études ont démontré que la consommation modérée d'alcool, donc là on parle d'une pinte par jour pour les femmes et deux pour les hommes, hein, bien sûr, oui, forcément, parce que, toujours. Le temps qu'elle fasse la cuisine, pas faire la vaisselle bourrée, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça entraîne une réduction du risque de décès par maladie cardiovasculaire. Et tout ça, c'est dû aux vitamines, aux minéraux, et notamment aux vitamines B. Après, il y a toute une histoire de probiotiques et de tout le truc. Mais moi, après, il y a toute une histoire où il faut faire gaffe avec son foie aussi. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Tu rajoutes les deux verres de vin par-dessus qui iraient aussi pour les polyphénols. Et surtout les verres de vin, il faut aller au bout pour les polyphénols, oui. Hein, qui sont très bons pour l'enveloppe cardiaque. On va laisser Guinness un petit peu de côté pour l'instant. Et puis on va revenir sur une vraie marque de bière. Hein, je croyais que tu allais revenir sur Guinness dans 5 minutes, le temps que ça repose. Non, justement, j'étais en train de vérifier, mais non, je pense pas. Non, voilà. On va passer sur une vraie marque de bière. Hein, on va aller chez Heineken. Les meilleurs. Heineken, c'est d'origine néerlandaise, vrai ou faux ? Vrai. Est-ce que tu peux argumenter, s'il te plaît ? Est-ce que c'est juste au pif comme ça ? Je suis allé à Amsterdam et du coup, j'ai visité leur première usine. Voilà. Parce qu'il faut bien faire des trucs à Amsterdam. Ouais, tant qu'à faire. À part fumer des pétards. Et le quartier rouge. Et le musée Van Gogh est très bien aussi. Ah. Ouais, de ce qu'ils s'en rappellent. De ce qu'ils s'en rappellent, pourquoi ? J'étais en redescente, c'était très bien. Entre la bière et les pétards. Y a le musée Van Gogh, t'es raccord, c'est ça l'avantage. Tu vois des dessins super bien faits. Il y a plein de musées. En fait, ils ont un quartier entier avec 1 milliard de musées. Ah, d'accord. Ah, c'est parce que tu voyais d'où. Ils ont 500 000. Avec Berlin, ça ? Je sais plus. Je confonds peut-être. C'est compliqué. Hein. Toi, dès qu'il y a de la bière, t'es perdu. Ouais. Effectivement, Heineken, c'est néerlandais. Vous savez que pour moi, Heineken, c'était de l'eau et c'était dégueu. Et en fait, quand j'en ai goûté en pression là-bas, c'est quand même vachement meilleur qu'en bouteille ou en canette. Hein. Généralement, ça a plus de goût, c'est presque une vraie bière. Généralement, n'importe quelle bière bu en bouteille et bu en sortie de bec pression, il y a une différence et on préfère toujours ce qui sort du bec de pression. Mais ça, je sais pas si c'est une tendance générale, mais non, pareil. Physique, hein. Généralement, tous ceux qui en parlent, oui, préfèrent la bière, même pour ce qu'elle vaut. Hein. Mm-hmm. Après, on n'a pas tous les mêmes goûts déjà. Dans la visite qu'on a fait, il y avait une dégustation de un peu toutes les bières de leur gamme. Ils en ont plein, ils ont plein de marques, Heineken. Ah oui. Et du coup, on s'est tapé 6 demi d'affilée. Et en fait, elles avaient vraiment toutes des saveurs différentes et des goûts différents que j'avais jamais eu dans la bouche en les buvant avec une bouteille d'Heineken. Ce qu'il y a, c'est que déjà en les buvant les unes derrière les autres, peut-être que tu avais un palais qui pouvait comparer directement en live. Et c'est vrai que sortir d'un bec de pression avec une adjonction de CO2 qui te réveille des saveurs. Mais c'est toujours pareil, ça t'exhauste tous les goûts d'une manière forte. Du coup, tu es plus sensible à toutes les nuances. Donc ça, je veux bien te croire. Et effectivement, c'est bien à Amsterdam que ça a été créé en 1863 par Gerhard Adrian Heineken. Il s'est contenté d'acheter une brasserie qui déclinait. Donc, à la limite, si tu y as été, si tu as de quoi argumenter, ou même éventuellement de me contredire, n'hésite pas. C'est un grand bâtiment. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si tu le dis derrière, mais ils ont déménagé. parce qu'il y avait ils étaient de plus en plus populaires, ils produisaient de plus en plus, et l'odeur commençait à incommoder toute la ville. Et du coup, ils ont été obligés de déménager. C'est pour ça qu'ils l'ont transformé un peu en quartier général, siège administratif. Quoi. D'accord. Non, ça, c'est pas une info que j'avais. Ce que je sais, par contre, c'est qu'effectivement, en taille, comme tu dis, c'est vraiment un des plus gros brasseurs. Et là, pour le coup, c'est même au niveau mondial. C'est un immense bâtiment qui fait quasiment toute une rue. Donc, Oui, effectivement. Là, quand tu commences à prendre un pâté de maison complet, c'est qu'il y a du monde derrière. En volume, ça représente 10%. Derrière, donc, je parlais de AB InBev. En fait, c'est l'acronyme de Anheuser-Busch InBev, qui, eux, ont 30% des parts de marché après le rachat de Saab Miller. Et derrière, on retrouve un autre Européen qui est le Danois Carlsberg. Voilà, qui, je pensais que c'était américain. Ouais, c'est c'est danois. C'est danois. Et il me semble que c'est une fratrie qui avait créé ça. Un petit peu de la même manière que Heineken, où ils avaient racheté des labos et ils faisaient des petites expériences et ils en sont arrivés à trafiquer un peu de la bière aussi. Carlsberg a une histoire un peu particulière avec les éléphants et les croix, pas gammées justement, mais les autres. C'est la croix gammée, mais c'est pas la svastika, c'est l'autre. Je sais la croix gammée est dans un sens et la. C'est les deux en fait. La svastika elle existe dans les deux sens. Voilà. Ouais. Et donc sur le. C'est juste que maintenant on dit plus croix gammée pour la svastika voilà. Qui est dans le sens de la croix gammée. Voilà, le groupe Heineken, donc c'est l'international et c'est dans plus de 170 pays qu'on retrouve ce groupe-là. Et est-ce que vous avez par exemple une idée du nombre de certaines bières qu'on pourrait retrouver dans ce groupe-là, alors qu'on pourrait penser que ce sont des marques indépendantes? Mais alors, je sais pas si on peut penser que c'est une marque indépendante, mais je sais qu'ils ont la Amstel. Oui. Parce que justement, Amsterdam, en fait, à l'époque, enfin, pas à l'époque, mais il y a longtemps, ça s'appelait Amsteldam. Mm. Et c'est la digue sur l'Amstel qui est le nom du fleuve, et d'où le nom de. C'est, voilà. Je l'ai appris là-bas. Donc, effectivement, Amstel appartient au groupe Heineken. Je sais pas, la 16. Non. Non. Non, la 1664, c'est la premium de chez Kronenbourg. Ouais. Et puis c'est français, il me semble, parce qu'il me semble qu'ils le mettent vachement en avant. Alors, on a une bière qui est mise en bouteille justement en Alsace, qu'on connaît, qui a une consonance espagnole et qui pourtant appartient au groupe Heineken. Et je ne sais même pas. C'est quoi cette espèce de mélange? Ouais. C'est un truc alsacien qui a une consonance espagnole et qui vient d'un truc des Pays-Bas. C'est une bière de consonance espagnole. Le nom Estrella va vous amener sur quelque chose d'espagnol. La Stella. Elle est de mémoire mise en bouteille ça doit être en Alsace. Stella, hein. Non. Non. Et pourtant, c'est une bière qui appartient au groupe Heineken. La Despé. Oui, exactement. La Desperado, c'est mise mais je suis con, parce que moi, je devrais te sortir tous les fûts de bière compatibles avec ma tireuse, puisque c'est le groupe Heineken. Ah bah oui, c'est con. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, t'as Figem, t'as... Il y a de la Hoegaarden. Non, Hoegaarden, c'est pas compatible. Tu as la Sol. La Sol appartient au groupe, enfin la marque Sol appartient au groupe Heineken. Tiger aussi. Sol, c'est la bière mexicaine. C'est mexicain Sol. Oui. Je sais pas. Et en France, Heineken se dispute la première place avec les brasseries Kronenbourg. Voilà, dont les marques phares sont Kronenbourg et 16. Voilà. Exactement. Et le slogan de Heineken, franchement, c'était, ils pouvaient pas trouver mieux, c'est Open Your World. Ouais, pour un groupe qui est un petit peu partout, franchement. Il ne pouvait pas se tromper. Une petite variante sur les bières. Il existe de nombreuses variantes de bières de banane. Quoi ? Où il existe de nombreuses bières de banane. C'est-à-dire qu'à la place de mettre des céréales, tu mets de la banane. J'en ai une à côté, exactement. Si tu veux. À la banane. Non mais aromatisée à la banane. À côté, là. Ah. Là, attention, on ne parle pas d'aromatisation. Oui, on parle de bière de banane. Est-ce que pour vous, c'est possible de faire de la bière avec de la banane ? Mais il ne faut pas justement des céréales pour faire de la bière ? Ouais, mais dans écoute, l'acception de ce qu'on a défini jusqu'ici. Tu vas avoir une espèce de truc qui ressemble vaguement à de l'amidon, ce qui donne ce côté un peu pâteux à la banane. Je pense avec que de c'est la purée de banane. Ouais, ça me paraît pas impossible. Ça me paraît pas complètement crétin en tout cas. C'est pas que c'est crétin fond, parce que je pense que c'est culturel, notamment en Afrique, mais on fait effectivement fermenter de la banane. Et on retrouve ça surtout en Afrique de l'Est, principalement. Mais genre, tu m'aurais dit des fraises, je t'aurais dit. Je le vois pas, tu vois. Mais avec la banane, je le sentais mieux. Dans la banane, oui, on peut concevoir effectivement qu'il puisse y avoir des enzymes qui te permettent de faire fermenter tout ça. Et on retrouve ça surtout au Burundi, en Ouganda ou en Rwanda. Là où il y a de la banane, en fait, globalement. Ouais, pas importé, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Au Rwanda, on appelle ça de l'urwagwa. On en trouve aussi en Tanzanie, qu'on appelle le mbege. Et en République démocratique du Congo, on appelle ça du K6I. Putain, c'est compliqué. Est-ce hein. que ça a un goût de bière ou est-ce que c'est une autre boisson du coup? C'est classé comme une bière, puisqu'on prend le principe boisson, de la fermentation sur, bah, sur un fruit ouais. au lieu d'une céréale. Mais du coup, il classe ça comme une bière. Et si on compte ces variantes comme du jus qui a été fermenté sans ajout d'eau, et ouais. si on ajoute du miel et du jus de banane, bah, tu obtiens tous les ingrédients où tu as des sucres, tu as tout ce qu'il te faut pour faire une fermentation et obtenir quelque chose. Du coup, tu dois pouvoir faire de la bière de maïs, logiquement. Mais ça existe. Ça existe. Ouais. Et il y a même un alcool de maïs qui s'appelle le tinku, je crois que c'est au Pérou. Et c'est un truc, ça te ravage la tête. D'accord, c'est okay. légèrement effervescent, c'est hyper chargé en alcool. Et pendant les fêtes religieuses, ils boivent ça et ça finit toujours en baston. D'ailleurs, je crois que c'est un des rites où on boit ça et après on se tape sur la gueule. C'est vraiment très très bien. Il y a la même chose en Irlande, je crois. Il y a la même chose en Angleterre surtout. Dans les stades, dans les stades de foot. Oui, ça s'appelle un match de foot d'ailleurs. Voilà. Plus proche de chez nous. Et après, il m'en reste deux. L'Oktoberfest, la fête d'octobre en allemand, est une fête de la bière qui se déroule à Berlin. Vrai ou faux ? Évidemment, c'est à Munich. Voilà. C'est à Munich, la fête de la bière. Exactement. L'Oktoberfest a lieu à Munich. C'est une tradition qui remonte au 12 octobre 1810, lors des fêtes qui ont suivi le mariage du futur roi Louis Ier de Bavière et de la princesse Thérèse de Saxe, Hildburghausen. Généralement, l'Oktoberfest... Ils étaient tellement chauds, ils ont fait « Allez, on fait ça tous les ans ». Voilà. Allez. Exactement, c'est une bonne mûre tous les ans. Ça commence le premier samedi de la deuxième quinzaine de septembre à midi pile. Attends, le deuxième samedi. Le premier samedi de la deuxième quinzaine de septembre. Deuxième quinzaine de septembre. D'accord. Bon, en fait, le troisième samedi. C'est le troisième samedi de septembre. Pas forcément. Ouais, ça dépend comment tu commences ton mois. Ouais. Ça peut être le troisième samedi. Bon, par contre, ça commence un samedi à midi pile. Hein, okay. Ça, on n'y déroge pas. Et qu'est-ce qu'ils font à 11h50? Ils se dirigent vers le bar et moi, je pense qu'ils sont tous dans les starting blocks. Il y a un mec qui fait 3, 2, 1 et c'est parti. Je pense qu'ils sont tous dans la tente et qu'ils sont dans les starting blocks là, pour se mettre une bonne pinte. Et ça se termine le premier dimanche d'octobre. Sauf si celui-ci est le 1er ou le 2 octobre. Hein, sinon, bah, attends, du coup... ça dure 2 semaines? Ouais. Putain. Ah ouais. D'accord, moi je pensais que c'était un week-end. Non, non, c'est 2 semaines. Okay. Et à votre avis, combien on boit de litres de bière? Bon, 3. Juste beaucoup. Pendant l'événement. Alors, par personne ou au total? Beaucoup. Au total. Ah ouais, sur ça l'événement, ça va être compliqué. 15 jours, qu'est-ce qu'on boit comme... ça se chiffre, je pense que personne t'entend là. T'es beaucoup trop loin. Excusez-moi. Ça, oui, pardon. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la pièce de côté? Au minimum 100 millions de litres. Non. On est juste sur l'événement. Ça se chiffre en millions, mais c'est pas plus de 10. Donc, déjà. Mais c'est en 15 jours. Quand oui, même. Justement, mais 15 jours avec les touristes qui débarquent, 5 millions. Et bien, justement, les touristes ne représentent que 9% du panel de visiteurs. En fait, c'est très local. 80% de la population du festival est composée par des gens qui viennent de la Bavière uniquement. Il y a très, très peu d'Allemands hors Bavière qui viennent et très, très peu de touristes comparés. Alors, pourtant, c'est connu, mais mondialement, la oui. fête de la bière de ouais, mais de là à y aller pour te murger. Bah franchement, j'y réfléchis. Chaque année, je suis un peu plus proche d'aller à l'Oktoberfest. On est à 6 millions de litres de bière sur 15 jours. Imaginez le nombre de tonneaux qu'il faut. Ouais, c'est pas faux, ouais. Le nombre de fûts et les mecs qui brassent les fûts. Le nombre de litres de gasoil, des camions qui t'apportent les fûts avant et qui les emmènent après. Alors, je pense qu'ils ont dû se moderniser. Je ne me suis pas renseigné sur la structure de l'événement lui-même. Mais peut-être que s'ils font comme au Hellfest, il me semble qu'au Hellfest, ils ont créé une butte spéciale. Ils avaient fait des tranchées où ils avaient carrément tiré des pipelines qui arrivaient jusqu'au dédiés à la bière, des pipelines qui arrivaient directement au bar. Et en fait, c'était les camions allaient recharger, mais à l'autre bout du site et tout transiter comme ça pour éviter justement qu'il y ait le moins possible d'interférences avec le public. Il y a une ville comme ça, alors je crois que c'est en Belgique ou je ne sais plus pourquoi, où tu as des pipelines de bière, mais je crois que c'est pour la Lef ou un truc comme ça. Et où en gros, en fait, tu as l'usine qui est d'un côté et l'embouteillage qui est resté au lieu historique. Ouais. Et du coup, ils ont tiré un pipeline de bière pour pouvoir embouteiller toujours au même endroit et faire le. Ces mecs sont des génies. Du coup, si tu habites. Et ça traverse des maisons. Oui, mais justement. Et voilà. En fait, t'as des bouches où c'est marqué. Alors, je crois que c'est l'Ève, du coup. Où c'est marqué que là, ben là, c'est comme tu as pour l'eau, le gaz, etc. Ben là, c'est pour la bière avec le logo de la bière. Voilà. Là, par contre, t'imagines l'entretien des canalisations. Chez toi, au robinet, t'as l'eau chaude, l'eau froide. T'imagines. Et la moi, à 4h du matin, bourré et avec une mauvaise idée et un tournevis, un marteau. Ça doit être génial. Une vrille. Alors, comme à la vieille époque, une vrille, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche de l'eau. Mais c'est pas de l'eau, connard. Ouh, il y a un geyser. Ah non. Allez, une dernière. Et puis là, c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose. Plusieurs personnes sont mortes noyées à Londres durant une inondation de bière. Ah, c'est ballot, mais c'est une mort joyeuse en même temps. Je sais pas, si la mort par noyade, moi franchement ça me fait pas triper. Mais par noyade à la bière. Non, même pas. Non, non, moi à partir du moment où tu me parles de noyade, non, ça va pas me faire triper. Puis, honnêtement, je pense que c'est moins violent de se noyer dans de l'eau que de la bière. Hein, parce que, peut-être. Ça pique les yeux. La fois où tu tousses en avalant de la bière et que t'en as dans le nez et tout, ouais. Et ça te brûle complètement, je pense que l'eau, c'est pas agréable, mais la bière encore moins. Donc je pense que ça a dû arriver. Ils avaient genre une cuve géante, elle s'est déversée et ceux qui étaient autour sont tombés dedans. C'est effectivement vrai. Ça s'est passé le 17 octobre 1814 et on a recensé au moins 8 noyés, officiellement. C'est énorme. Lorsque les cuves de la Meuxen Company Brewer se sont rompues, elles ont déversé 1 500 000 litres oui, de bière dans les rues. 1 500 000 litres dans les bières dans les rues de Londres. Et en fait, tout est parti d'une cuve qui faisait 60 000 litres, qui elle a explosé et par effet domino a entraîné les autres. Donc en fait, c'est un raz-de-marée de bière qui a été provoqué dans le quartier. Toujours l'odeur. Et ce quartier, c'est sympa, mais quand même. Ce quartier, c'était le quartier Saint-Gilles, ouais. Qui était un quartier pauvre de Londres. Et la particularité de ce quartier, c'est que beaucoup d'habitations étaient en sous-sol. Donc quand c'est arrivé, toutes les caves, toutes les habitations ont été remplies. Et voilà. C'est la mort par noyade par bière. C'est étonnant même qu'il n'y en ait que 8. Oui, on a la liste des. Du coup, c'était une mise en bière immédiate. On a les noms, mais je pense qu'à l'époque, le recensement n'était pas super génial. Il devait y en et avoir, en plus, dans les quartiers pauvres, je pense qu'on s'en foutait un peu. Quoi. Oui, aussi. Mais d'ailleurs, on s'en foutait parce que la brasserie a été poursuivie en justice pour l'accident. Elle a dû payer 1 euro symbolique. Mais la catastrophe fut considérée par le tribunal comme un cas de force majeure. Donc, expliquez-moi le cas de force majeure dans ce truc-là. Oui, j'avais mis d'ailleurs, tu vois qu'ils avaient déjà sûrement des Dupont-Moretti à l'époque. Et que personne n'a été déclaré responsable. Voilà. Brasserie a été démolie en 1922. Aujourd'hui, c'est le Dominion Théâtre qui occupe une partie de l'emplacement. Rapport à l'effet domino qu'il y a eu ? Je sais pas. Dominion dans le sens anglais, je suis pas sûr que ça marche. Ça n'a rien à voir avec le domino. On est plus dans une dépendance ou quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un quand même en 2012 dans un bar local, le Holborn Whippet, qui a décidé de commémorer l'événement avec une cuvée spéciale de Porter brassée spécialement pour l'occasion. C'est un peu de mauvais goût, je trouve. De faire une cuvée de bière pour. Du coup, il met des bébés noyés dans la cuve. La cuvée des noyés. C'était un moment de souvenir, voilà. Et puis surtout une porteur, hein, pour des gens qui étaient en sous-sol. C'est un peu. Ouais. Effectivement, on frise le mauvais goût. Voilà, c'est tout pour moi, messieurs. Eh ben, merci pour beaucoup. Ton quiz. Hein. Mais t'es là, Zartov ? Mais oui, je suis là, je fais plein de choses. Il fait la technique. C'est ça, parce que, en fait. Donc tout s'est bien passé pour nous. C'est juste que le câble qui relie ici. Donc les micros pour le PC, ils étaient branchés à fond, mais en fait ça entendait pas forcément tout le monde. Ah. Donc en fait on entendait hyper bien pof. Ouais parce que je suis beau. Mais tous les autres, non. Ah d'accord. C'est donc étonnant. Ce que j'ai fait avec l'aide du Discord, salut le Discord, c'est que j'ai retiré un petit peu le jack. Et ça marche. Je l'ai remis à fond comme il était. Et là ils me disent, touche à rien, c'est bon, ça saturera un petit poil, mais c'est bon. Ok, bon bah impeccable. Donc, merci le Discord et bonjour. Voilà. Vous savez quoi offrir à Zertov à Noël ? Un pack de câbles pour tous les câbles faux contact du panier. Comme quoi, les câbles chinois, c'est pas forcément. C'est ça. Et il y a David qui dit de toute façon, faut toujours se retirer avant d'y aller à fond. Exactement. Exactement. Voilà. Du coup. Ça donne l'impression que tu parcours plus de chemin. C'est ça. Merci à vous d'être venus, Phil et Pof. Ça fait plaisir. Alors, ce premier numéro, cette mise en bouche, comment vous l'avez vécu ? Plutôt bien. En fait, je veux dire, on arrive, on a des pistaches, on a de la bière, on discute de bière. Moi, ça me va. On a beaucoup moins de bière que ce que je pensais, moi, finalement. Et ça, c'est le premier. Par contre, je m'attendais à ce que ça picole un peu plus. Ah, parce que c'est le premier. Attends le troisième quand vous serez parti. Non, mais parce qu'il y a des questions. Après, c'est pas plus mal que tu picoles moins vu que c'est toi qui conduis derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, la prochaine fois, je prends mon sac de couchage. Tu peux, hein. De toute façon, t'as vu, il y a de la place. Oui, il y a de la place. Donc, on va se terminer en musique. D'accord. Mais on va se terminer quand même. On va se terminer quand même. Voilà où tu reconnais le chemin, on a fait l'aller. Bon, je sais toujours pas pourquoi. Il va falloir que tu la mettes à l'envers, du coup. La voiture ? Pour qu'elle fasse dans l'autre sens. Ah oui, on marche arrière, oui. Pour pas payer le péage, ça. On me rembourse au péage. je repars, donc remboursez-moi. J'ai 15 jours, non ? Bon, j'ai toujours un souci de câble, parce que le jingle, je l'ai bien vu passer, mais je l'ai pas. j'enregistre cette capsule un petit peu post-enregistrement, en fait, juste pour vous indiquer que les 16 et 17 novembre, il y a un marathon du podcast en faveur de l'association Espoir Autisme 94. Donc en fait, pendant 24 heures, plein de podcasts vont se relayer afin de récolter des dons justement pour cette association. Donc on a entre autres Level Max, le podcast Emo 5, on aura une équipe de Bad Geek qui sera présent. Donc en fait, il y a plein de podcasts qui y seront. Et donc pendant 24 heures en fait, qui vont se relayer pour faire de l'appel aux dons, pardon. Et on a en plus quelques invités plutôt prestigieux, parce que on a Françoise Cadol, donc connue comme étant l'actrice qui fait la VF de Lara Croft, entre autres, pour plutôt les geeks. Et aussi Eric Missoff, donc qui fait plutôt les voix de, pour les plus connus, de Sam et Scooby dans Scooby-Doo. Donc c'est relayé sur Twitch, donc n'hésitez pas à contacter @castmarathon pour vous faire connaître en disant bah voilà, on peut rediffuser, retransmettre le marathon. Donc les 16 et 17 novembre, le marathon @castmarathon en faveur de Espoir Autisme 94. Entendu. C'est pas grave. Que j'ai mis à fond. Donc, on va s'écouter le groupe Ginzu avec Good Love sur l'album Mirror Mirror. Et on se dit à la prochaine. À 10 chats! All is in your eyes, all is in your eyes.